salut à tous et bienvenue pour un rétro podcast spécial ce soir. Alors juste avant de dévoiler le titre de ce rétro podcast, on voulait tous vous remercier d'être nombreux à nous écouter. Et grâce à vous, nous sommes passés sur Deezer, voilà le site où on peut écouter librement de la musique. Et c'est une très très bonne nouvelle et on vous remercie tous de nous avoir franchement de nous suivre depuis plus d'un an maintenant. Voilà, donc on va parler. Ce rétro podcast va être plus basé sur l'équipe de France de 2010 et le fiasco voilà de cette équipe de France lors du mondial et même un petit peu avant voilà. Et pour débattre avec moi bien sûr j'ai Gabi. Salut Gabi. Ah, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour parler de cette équipe de France de 2010. Ah, ouais. Et on pensait avoir connu pire avec 2002 et 2008 voire 2004. Mais là, je crois qu'on a touché le fond. Hein. Ouais, on a touché le fond autant au niveau politique autour du foot à cette époque-là que sportivement. Ouais, c'est sûr. On va juste parler un petit peu du parcours de l'équipe de France. Alors, depuis après l'Euro 2004, qui a été un fiasco aussi, on a été éliminé par la Grèce en huitième de finale. Voilà, Domenech, notre cher Raymond Domenech, qui prend les rênes de l'équipe de France. Donc on va rappeler un petit peu, Raymond Domenech était l'entraîneur de l'équipe Espoir. Voilà, c'était un joueur de foot. Beaucoup disent que ce n'était pas un joueur de foot, mais plus un boucher sur le terrain. Voilà, mais donc il est nommé entraîneur de l'équipe de France en juillet-août 2004. Et avec lui, on va connaître... les hauts de l'équipe de France avec, enfin les hauts, voilà, bon c'est pas non plus la joie d'une victoire, mais en 2006, on va terminer finaliste de la Coupe du Monde, c'est quand même pas rien, hein, quand même, c'est une ouais. Bonne, voilà, on avait une bonne équipe de France, on avait encore Zizou, on avait encore une charnière un petit peu, quelques joueurs, pas beaucoup, mais un petit peu de 98 et un peu plus de 2002, mais on avait une bonne équipe de France. Et on a connu les bas avec cet Euro 2008 complètement foiré, avec une élimination au premier tour, voilà, avec des matchs où on s'ennuyait à mort devant notre télé. Et le désamour de l'équipe de France qui commence, voilà, surtout le désamour de Raymond Domenech qui, le soir de la défaite contre l'Italie, hein, c'est ça, on perd 2-0 contre l'Italie, on est définitivement éliminé de cet Euro 2008. Raymond Domenech qui trouve le temps de demander à sa femme Estelle Denis, hein, qui était donc à l'époque sur présentatrice sur M6, qui avait pris le temps de lui demander sa main, voilà, de la demander en mariage un soir de défaite, un soir d'élimination où tout le monde avait un peu la gueule de bois, quoi. Donc c'était déjà un signe assez bizarre de cet homme. Et donc on va parler un petit peu du parcours de cette équipe de France. Alors d'abord des éliminatoires. Où, normalement, c'est quand même un groupe assez facile, le groupe 7. On est dans le groupe 7 avec la Serbie, l'Autriche, la Lituanie, la Roumanie et les îles Féroé. Bah, excuse-moi, Gabi, mais je pense que pour moi, c'est quand même un groupe qui est relativement facile. Bah, on se retrouve dans un groupe un peu habituel. Hein. L'équipe de France, elle est habituée à jouer contre justement des pays très très faibles. On a vu ça à l'Euro 2000, après 98, où justement la France a des qualifications... justement pour aller à l'Euro 2000 contre des équipes très faibles au Stade de France et elle a du mal. Voilà. Et on se retrouve encore dans un groupe, on va dire, assez abordable. Donc, c'est un groupe où on retrouve les îles Féroé et la Roumanie. C'est des équipes que la France a l'habitude de rencontrer. La Roumanie, c'est déjà un vieil adversaire de 96. Et je veux dire, c'est que des équipes qu'on connaît assez bien. Et sincèrement, on voit mal l'équipe de France se faire éliminer de ce groupe-là. Ouais, bon, c'est sûr que là, c'est un groupe relativement facile. Mais comme on avait vu pour la Coupe du Monde 94, la France, quand elle a un groupe assez facile, eh ben, la France n'est pas forcément au rendez-vous. Et ça va se voir tout de suite. On va rencontrer lors du premier match. Le 6 septembre 2008, on se déplace en Autriche et on va se ramasser un petit 3-1 dans la figure. Voilà. Ouais, pas habituel. Pas habituel, voilà. On perd en Autriche. Alors bon, on a déjà perdu en Autriche dans les années 40, 50, voilà. Mais perdre en Autriche, c'était pas dans notre habitude. On faisait des matchs nuls. On gagnait de temps en temps. Mais voilà. Donc déjà, ça commence très mal pour l'équipe de France. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Après cette défaite, je me souviens qu'il y avait déjà des questions. Est-ce que l'équipe de France va y arriver? Et voilà, donc l'Autriche était quand même l'adversaire peut-être le moins. Bah, c'était un adversaire des plus forts que la Lituanie, la Roumanie et les îles Féroé. Mais on pensait pas, enfin moi le premier, je pensais pas perdre contre cette équipe-là. Non, moi non plus, parce que quand tu regardes les équipes des éliminatoires, dont t'as la Serbie, l'Autriche et la Roumanie, et bon, l'Autriche, plus ou moins, tu la places plus ou moins derrière la Roumanie déjà. Voilà. Donc ça ferait qu'ils auraient fini peut-être quatrième du groupe, l'Autriche, C'est sûr. C'est sûr. dès le début. Donc se prendre 3-1 là-bas, c'est vraiment de mauvais augure, hein, parce Ah ouais. que tu perds déjà des points bêtement. Et il va falloir les récupérer ailleurs, niveau comptable, parce que t'as trois équipes qui vont être serrées jusqu'à la fin du groupe pour se qualifier. Voilà. C'est compliqué, hein. C'est un jeu d'échecs, les éliminatoires en Donc Europe. Hein. faut juste rappeler que donc le premier du groupe est directement qualifié pour la Coupe du Monde et le deuxième est qualifié pour, enfin est qualifié, devra disputer un match aller-retour en barrage pour essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde. Voilà, donc on va passer à la deuxième journée de ce groupe où nous allons rencontrer sûrement l'adversaire le plus fort de ce groupe contre la Serbie. Et là on va gagner 2 buts à 1 grâce à un but d'Henri et d'Anelka. Voilà, et là la machine normalement est lancée. Ah, c'est 3 points récupérés déjà qu'on avait perdu en Autriche. Et on va dire que c'est la moindre des choses déjà de ne pas faire deux défaites de suite. Et ben bon, après, si on se souvient du jeu proposé par l'équipe de France, si tu t'en souviens, Nico, c'était plus ou moins des exploits individuels sur les buts. Ben, c'était Enfin, Henri Anelka, voilà, ses deux voilà, buts, des grands joueurs qui marquaient. voilà, Ouais. c'était des grands joueurs qui marquaient, mais quand tu regardais un match de l'équipe de France à cette époque-là, puis ça se vérifiera aussi avec l'époque Laurent Blanc après, tu t'ennuyais C'était quand tu voyais l'équipe de France, ennuyeux. tu prenais aucun Voilà. plaisir à voir ça, tu avais connu l'équipe de France de 98 à 2000, même voire après 2002 quand même, parce que même s'ils avaient complètement loupé leur Coupe du Monde, t'avais un duo d'attaque Henri Trezeguet qui était au sommet de leur forme. Et franchement, c'était un plaisir de voir cette équipe de France-là. Je me souviens d'Allemagne-France même en 2003, où l'équipe de France avait fait une démonstration contre cette équipe allemande. C'était un régal. Mais là, tu te fais chier. Et à chaque fois, l'équipe de France, quand elle joue, elle se prend au moins un but. Voilà. Ouais, mais c'est pas forcément le problème. Et le problème, moi, que je trouve à cette époque-là, surtout, c'est que l'équipe de France, elle ne cesse de jouer au Stade de France à cause du contrat qui les lie justement. Voilà. Je crois que c'est de Vinci, là, c'est ça, Ouais, c'est ça, ouais, c'est le ceux qui s'occupent du constructeur, ouais. Stade de France. Et malheureusement, au Stade de France, il n'y a pas d'ambiance. Et visuellement à la télé, ça incite pas le spectateur je veux dire, à rentrer dans le match aussi. C'est vrai. Et je sais pas si tu te souviens, à cette époque-là, ils avaient commencé justement à faire une politique de, comment dire, marketing, en invitant plein d'enfants, donnant plein Voilà. de drapeaux dans le tribune. Et on avait un peu l'impression d'avoir, tu sais, des personnes des robots qui agitaient des drapeaux tout le match, Bon, c'est mais joué qui dans un jeu suivaient pas le vidéo, quoi. match. Je sais pas. Sincèrement, moi, c'était Ouais. la première fois que je voyais ça dans un match de foot à la télé. Plein de gens dans les tribunes avec plein de drapeaux. C'est vrai. Mais tu n'avais pas l'impression qu'ils suivaient exactement ce qui se passait sur le C'est terrain. vrai. Et bon, comme tu dis, hein, 2008, à la fin de l'Euro, on avait eu un gros coup sur la tête, hein, avec une équipe de France qui avait proposé aucun jeu. Moi, j'ai une toute petite anecdote. J'avais été voir les matchs sur écran géant. J'avais été voir France-Roumanie de l'Euro 2008. Il n'y avait personne sur la place. Dans la région parisienne, c'était hallucinant. Les gens étaient désintéressés de cette équipe-là déjà. Voilà, quand tu regardes France-Serbie, 53 027 spectateurs au Stade de France. C'est presque moitié vide, quoi. Enfin, Bah, c'est. c'est l'époque où ils commencent à fermer le haut du stade. Ouais. Voilà quoi. Alors, même on arrivera sous l'époque, je crois que c'est un peu plus tard, hein. Laurent C'est Blanc? Voilà, on commence à fermer les tribunes du haut en mettant des placebos, des grandes bâches pour décorer le stade, parce que c'est pas rempli, hein. C'était pas arrivé ça depuis des années, depuis l'ouverture du stade, je crois, hein. Ah, sûrement, ouais. C'est Donc sûr. c'est pour dire le désamour de l'équipe, hein. Voilà. On passe au troisième match et là, difficile déplacement tout de même en Roumanie parce que c'est jamais facile de se déplacer là-bas. Et l'équipe de France va décevoir, elle va faire deux partout avec des buts de Ribéry et de Johan Gourcuff qui à l'époque était très très bon. Voilà, justement. Et donc contre-performance de l'équipe de France, hein, la deuxième, parce que malgré tout, faire 2-2, c'est pas un bon résultat pour l'équipe de France. Surtout que c'est une équipe de Roumanie qui est. Voilà, c'est pas la Roumanie qu'on a connue début 2000. Là, c'est une Roumanie qui est vraiment en perte de vitesse et qui est pas aussi impressionnante qu'on a pu voir avant, quoi. Et ce qui était inquiétant, hein, c'est que l'équipe de France dans ce match-là, déjà, c'est un match qui se déroule dans un stade, comment dire, d'une ville Petit, balnéaire, ouais, c'est un petit parce qu'en stade. fait, leur stade national, il est en train d'être terminé, je crois, en Voilà, Roumanie, c'est pour la ça. future équipe nationale. Et tu as un match qui se déroule en fait dans un tout petit stade, et l'équipe de France qui se retrouve menée 2-0 C'est ça. Au après bout de 20 minutes, 17 à minutes. peu près 17 minutes, ouais, c'est ça. Et si on se souvient du but de Gourcuff qui arrive on va dire à 20 minutes de la fin du match, c'est une frappe de loin qui finit sous la barre, qui vient un peu de nulle part, c'est pas une action, je veux dire. Alors, Comme encore dans beaucoup de ce buts. match-là, Comme beaucoup de buts, hein, de toute voilà, façon, ouais. encore dans ce match-là, l'équipe de France va te marquer des buts sur un exploit d'un grand joueur de l'époque. Johan Gourcuff qui à cette époque-là joue la Ligue des Champions avec Bordeaux. Donc voilà quoi, c'est hyper décevant encore hein, ce match-là pour l'équipe de France. Hein. Moi j'ai des souvenirs où après le 2-0, bah voilà, j'étais parti faire un tour et je suis Ouais, c'est revenu à la pareil. fin. J'ai fait bon, il y a Et là, deux partout. t'es obligé Ouais. d'avoir des doutes sur cette équipe-là. Tu te dis, mais à ce niveau-là, ils vont pas pouvoir se qualifier. C'est pas possible. Mais là, d'autant 93, bon, il y avait quand même des équipes assez relevées, malgré tout, malgré l'équipe de France qui était quand même assez forte. Là, se planter à ce niveau-là contre des équipes des nations de seconde zone, là, ça aurait été très décevant. Mais entre nous, il aurait peut-être mieux valu s'arrêter ici. Si on avait su ce qui s'était passé avant, ce qui se passait après, on aurait peut-être mieux fait de s'arrêter ici. Mais bon, voilà, donc deux partout, c'est une grosse contre-performance. Et ensuite, on passe en 2009, au mois de mars, où on doit se déplacer en Lituanie. Lituanie, voilà, qu'on a rencontré plus tard, mais si mes souvenirs sont bons, c'est la première fois qu'on jouait la Lituanie. Ouais, c'est possible parce que ça me dit rien du tout dans l'histoire des confrontations. Ouais. La France, je vois pas à quel moment ils auraient pu le rencontrer. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que la Lituanie, ouais, et donc c'est la première fois qu'il le rencontre, il se déplace là-bas et victoire de la France. Mais comme dans toutes les victoires, voilà, une victoire vraiment étriquée, un but à zéro grâce à Ribéry. Match sur M6, je crois, parce que M6. Alors TF1 avait les matchs à domicile. Avec l'exclusivité des matchs à domicile et après les matchs à l'extérieur de l'équipe de France pouvaient être diffusés par n'importe quel diffuseur autre que TF1 et c'est M6 qui avait récupéré les droits de l'équipe de France à l'extérieur en fait. Et donc Ribéry qui donne la victoire à l'équipe de France, mais encore une victoire vraiment étriquée dans un match sans saveur en fait. Et on retrouve l'équipe de France le 1er avril 2009 avec un France-Lituanie. Et encore une fois, Ribéry qui va donner la victoire à l'équipe de France. 1-0 encore au Stade de France. Et là, le Stade de France qui s'est tout de même rempli avec 79 453 spectateurs. Voilà. Là, bon, il y a un peu plus de monde. Voilà, encore une victoire, une petite victoire. Voilà, toujours dans les 20 dernières minutes. Je pense que quand l'équipe d'en face s'est endormie, voilà l'équipe de France qui arrive à marquer, voilà. Ensuite, 12 août 2009, on se déplace en île Féroé, aux îles Féroé, pardon. Et là, qu'on avait l'habitude de battre les îles Féroé par un gros score, bah, l'équipe de France qui va gagner que par 1 but à 0 grâce à André-Pierre Gignac. Là, tu te dis, il y a quand même quelque chose qui va pas, parce que, enfin, les îles Féroé, quand même, c'est quand même une équipe, une des plus faibles nations de l'Europe, et on n'arrive même pas à faire le jeu là-bas, quoi. Alors, c'est sûr, les conditions climatiques, si je me souviens bien, c'était pas génial. Je me souviens, je sais plus si c'est ce match-là où l'avion avait eu quelques problèmes pour atterrir. Alors, je sais pas si c'est celui-là ou en 2004. Enfin. Ou avant la Coupe du Monde 2004, je crois que c'est celui-là parce que Ribéry n'était pas là en 2004 et lui il parle de ça aussi. Voilà, ouais. Donc il y avait eu des gros soucis, il y avait eu un énorme brouillard et puis l'avion avait eu du mal à atterrir. Les joueurs, ils étaient un petit peu sous le choc. Mais bon, après voilà, ils font ils font pas un grand match contre les îles Féroé. Ils gagnent que par 1-0 grâce à Gignac. Mais bon, malgré tout, l'équipe de France qui est pas trop mal placée dans le classement, mais ils ont toujours pas droit à l'erreur. Hein. C'est sûr que s'il y a une défaite de plus, on peut presque dire adieu à la Coupe du Monde. Et on arrive le 9 septembre 2009. Et alors il y a voilà 9 septembre 2009 avec un Serbie-France et il va y avoir un partout. Voilà, contre la Serbie. La Serbie qui est première du groupe hein, pour le moment. Voilà, encore un match difficile de l'équipe de France qui n'arrive pas à gagner. Voilà, tout ça. C'est un match où je me souviens que l'équipe de France, pour une fois, elle avait abordé le match sous un autre visage depuis le... par rapport au début de la compétition. C'est la première fois qu'on voyait une équipe de France qui ressemblait plus à celle de 2006 dans l'engagement, la mentalité, la concentration, et puis jouer ce match au Maracana de... c'est à Belgrade, hein, c'est ça ? Belgrade, au stade de l'Étoile Rouge. Ouais. Ouais, un vieux stade avec les joueurs qui avaient révélé que dans les vestiaires et que les couloirs qui mènent au terrain, il y avait encore des messages d'anciens prisonniers de la guerre gravés sur les murs. C'est un stade impressionnant, marqué d'histoire. Et c'est Nicolas Anelka, je crois, qui marque le but. Non, c'est Henri qui marque. C'est Henri qui marque sur une passe d'Anelka, c'est ça, je crois. Ouais. Et on se dit, l'équipe de France, là, elle est prête mentalement elle va y arriver. Et on a l'impression qu'il y a un vrai gros changement. Et justement, je crois que c'est à cette époque-là où tu as eu la prise de bec entre Domenech et Thierry Henry, ouais, qui a pris la parole à l'entraînement, en fait. Voilà. Pour remettre le groupe un peu face à ses responsabilités, parce que Domenech, il est en perte de vitesse, il y a un manque de respect des joueurs par rapport à cette personne, qui fait un peu, parce qu'il faut se rappeler de ça, hein, Domenech à l'époque, c'est un personnage qui adore le théâtre, et dès qu'il y a une interview, il prend, toute la place, soi-disant pour protéger l'équipe, mais c'est un homme qui adore la lumière. Et c'est un homme qui, manipule le verbe, la langue de bois comme personne, aucun autre entraîneur de l'équipe de France n'a fait. En méprise, avec un mépris, parce qu'il faut dire ça, c'est que non seulement il maîtrise la langue de bois comme un Deschamps, mais Deschamps, il a jamais méprisé un joueur, ni un... surtout un journaliste. Parce que Deschamps, il est malin, il sait très bien que le journaliste, si tu le prends pour un idiot, en lui disant « mais vous connaissez pas la tactique, vous connaissez rien au foot », ça va se retourner contre lui. Deschamps, il va pas forcément le dire, mais Domenech, avec le peu d'expérience et sa gloire qu'il a eue en 2006, une gloire qu'on peut remettre en cause, hein, parce que quand on connaît les coulisses de 2006... avec Domenech, dont on a enlevé la position de pouvoir, avec la réunion qu'il y avait eu entre les joueurs et Zidane dans un restaurant un soir, on avait révélé ça dans les médias, c'était que les joueurs étaient partis un soir dans un restaurant, en fait, ils avaient dit « non, toi tu viens pas, c'est que entre joueurs la réunion ». Et Zidane avait décidé, en fait, que ça se passerait comme ça, comme si, en fait... pour le reste de la compétition, s'ils étaient qualifiés, quoi. Et ils sont arrivés jusqu'en finale, grâce à ce que Zidane avait réussi à mettre en place dans les coulisses. Et Domenech s'était un peu attribué ça, et puis il avait... dès qu'on le voyait dans une interview, Domenech, c'était moi je, et l'équipe de France n'existait pas. Le soir de la défaite de l'équipe de France en 2008 à l'Euro, ils ont la FFF qui avait décidé de créer le Club France, tu te rappelles? Pas vraiment, non. C'était un comité spécial. Alors composé des gens de la FFF, des gens de la LFP, je crois qu'il y avait Thiriez dedans, enfin je m'en rappelle plus, mais t'avais tout un tas de mecs qui venaient de la FFF et un peu du monde du football, qui devaient justement encadrer Raymond Domenech pour essayer de prendre les rênes un peu de l'équipe de France, qui est quelqu'un avec lui pour la communication, en effet, qui est quelqu'un qui décide à sa place. Parce qu'il est tellement mal aimé que de toute façon ils se sont dit faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils avaient décidé de créer ce Club France pour essayer de qu'il y ait un nouvel amour pour l'équipe de France et puis essayer de mettre un petit peu Raymond Domenech sur le côté et que quand il parle au micro ce soit plus aseptisé que quand il l'apprenait avant, comme tu dis, qu'il méprisait certains joueurs, qu'il méprisait certains journalistes, quoi. Ouais, en effet, je m'en souviens, à moment que t'en parles. Ouais. Et voilà, donc là on va continuer. Donc voilà, comme tu disais, c'est vrai que l'équipe de France commence à retrouver un niveau de jeu assez bonne. Bon, il y a ce clash, avec Raymond Domenech. Thierry Henry qui a été invité au journal de TF1 pour justement expliquer sa position et est-ce qu'il y avait vraiment eu un clash, et Thierry Henry a toujours nié qu'il y avait eu un problème. On l'a su longtemps après que ça avait été vrai. Voilà, bon, on l'a su longtemps après. Après, voilà, comme tu disais, Raymond Domenech, lui, en fait, ce qu'il voulait dire aux joueurs, c'est qu'il trouvait qu'il y avait un manque d'envie, que les entraînements n'étaient pas faits à 100%, voilà, qu'il y avait un manque d'envie, personne n'avait envie. Il voulait savoir ce qui se passait, et Thierry Henry, lui, a rétorqué, nous aussi, on en a marre. On sait pas à quel poste on doit jouer, on sait pas ce qu'on doit faire, il n'y a aucune cohésion dans l'équipe, on est mal organisé, il a dit on va foncer droit dans le mur avec ça. Ouais, exactement. Et bon, il aura pas tort pour la suite de toute façon. Hein. Thierry Henry qui joue au Barça quand même. Qui joue au Barça, mais qui devait presque à 100%, aller à 90% aller jouer en MLS après, quoi. Ouais. Voilà. Et donc on arrive à ce France-Roumanie, un partout. Voilà, avec SQD qui marque contre son camp et Henry qui donnera l'avantage à l'équipe de France avec 48e minute de jeu. Donc à ce moment-là, c'est toujours la Serbie qui est première, la France qui est deuxième. Voilà, y a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas le droit à l'erreur à ce moment-là. Et on va tomber contre les îles Féroé, au stade du Roudourou. Voilà, pour une fois, on ne joue pas au stade de France, on peut jouer ailleurs. Et là, l'équipe de France qui va complètement se lâcher, qui va battre les îles Féroé 5-0. Bon, alors c'est les îles Féroé, comme j'avais dit, c'est quand même une des plus faibles nations de notre vieux continent. Mais voilà, l'équipe de France qui déroule et qui gagne 5-0 avec un doublé de Gignac, un but de Galas, Anelka et Benzema. Voilà. L'équipe de France, voilà, qui... Bon, c'est pas contre cette équipe-là qu'on peut vraiment juger le niveau de l'équipe de France, parce que, bon... c'est certain. Ouais, c'est petit, quoi, il n'y a pas grand-chose. Et on arrive au 14 octobre avec France-Autriche. Et donc, c'est le dernier match de ces barrages... de ces éliminatoires. Donc, France-Autriche qui est une sorte... j'allais dire que c'est une sorte de finale, mais il y a tellement d'écart entre les deux que de toute façon c'est pas une finale. Mais bon, l'équipe de France, voilà, qui bat l'Autriche 3-1, avec un but de Benzema, Henry et Gignac. Et l'équipe de France qui termine deuxième de cet éliminatoire. Et donc la France, comme elle est deuxième, va devoir disputer un match de barrage. Et on va savoir tout de suite contre qui on joue, ça va être contre la République d'Irlande. Voilà, une équipe qu'on a déjà rencontrée moult fois lors des qualifications. Ça n'a jamais été facile de jouer déjà en République d'Irlande, c'est jamais facile parce que c'est quand même... Il y a un fighting spirit là-bas, il y a une ambiance qui est hors du commun en Irlande. Et bah, on va tout de suite parler de ce match aller, donc qui se jouait, ça doit être à Dublin. Ouais, c'était dans un beau stade, hein. Ouais, Un ouais. stade magnifique, là, Le un stade tout récent. Croc Park, voilà. Ouais, Il y a 60, allez, 74 000 spectateurs pour accueillir l'équipe de France. Et l'équipe de France qui va gagner 1 but à 0 grâce à Nicolas Anelka. Anelka, Diarra. Voilà, on une touche, ça c'est bien. Et il est contré, il est contré, ce ballon but. Le but d'Anelka. Et la balle, elle est touchée, elle termine au fond des filets, but d'Anelka. Et oui, le salut. 71e minute. Le salut Thierry est venu. Mais il frappe un petit peu de loin avec cette frappe qui est contrée. Qui a surpris Sean Given. Regardez, et ce jeu en première intention, hein, Laurent, très intéressant de la part de Gourcuff, qui a donné de la vitesse au ballon en jouant en une touche de balle. Ouais, avec une belle frappe d'Anelka là. Pourtant c'est une équipe d'Irlande entraînée par Trapattoni. Hein. Ouais. Trapattoni c'est un grand tacticien. C'est pas un Arrigo Sacchi qui prône la défense. Hein. Trapattoni ça joue quand même. Et on va dire que l'équipe de France, voilà, c'est une tradition un peu dos au mur. Elle est toujours là dans les moments qu'il faut. Mais je veux dire, cette équipe de France, elle est tellement spéciale. Elle nous a tellement fait des choses bizarres. Ouais. Même on sait que si elle a gagné là-bas, va falloir vraiment penser au match retour et pas prendre la grosse tête. Même pas si faut pas crier victoire tout de suite quoi. Même s'il y a beaucoup d'éloges dès la fin du match avec des joueurs qui se félicitent déjà et qui se pensent qualifiés. Sincèrement, moi je me souviens que j'étais pas rassuré, hein, mais pas rassuré dans le sens où l'Irlande elle pouvait très bien mettre un but au match retour et oui. qu'il y ait des prolongations. Parce que cette équipe de France, défensivement, c'est assez faible. On l'a vu dans des matchs au Stade de France où il y a des buts marqués contre leur camp, des buts marqués contre eux rapidement dès les premières minutes. C'est une équipe de France qui a du mal à rentrer dans les matchs. Comme a dit Thierry Henry, c'est une équipe de France qui sait pas se placer tactiquement, on sait pas qui fait quoi. Le milieu de terrain. France, elle s'est prise quand même 9 buts lors des qualifications. T'avais minimum un but par match de toute façon. Il y a juste que contre les îles Féroé que la France ne s'est pas pris de but. Il y a eu d'autres matchs. Mais quand il y a eu des victoires assez larges, l'équipe de France s'est toujours pris un but. Quoi. Et c'est vrai que l'équipe de France avait la particularité depuis très longtemps d'avoir une superbe défense. Mais ouais. là, sous l'ère Domenech, l'équipe de France, la défense, c'est du grand n'importe quoi en fait. Ouais, c'est du grand n'importe quoi parce que je crois qu'il y a un historique. Si on regarde les charnières utilisées par Domenech, à chaque match, c'est une différente. Il y a une histoire comme ça, il y a une stat assez hallucinante. Hein. C'est un entraîneur qui est incapable en fait de faire des choix sur le terrain, des choix d'hommes. Ben, on va faire rire des gens, mais si des gens sont pas au courant de ça, c'est Domenech, s'il choisit ses joueurs par rapport aux astres. Et oui, apparemment, ça, c'était c'est pas vrai. Une bêtise. Hein, c'est vrai, il l'avait dit. Hein. Ouais. Donc à part faire rentrer Govou à un moment du match comme il a fait tout le temps en 2006, sa tactique, qu'est-ce que c'était? On se demande encore. Hein. C'est sûr. Et donc on arrive à ce fameux match retour au Stade de France, donc presque 80 000 spectateurs, tous prêts à voir l'équipe de France se qualifier pour la Coupe du Monde. Malheureusement, ça va pas du tout se passer comme on l'aurait pensé. L'équipe de France qui va encaisser un but par Robbie Keane à la 33e minute de jeu, encore sur une défense, il y a une défense friable, hein, de toute façon, je me rappelle plus qui c'est qui fait le centre vraiment proche de la ligne. De la ligne de but de l'équipe de France, et puis Robbie Keane qui reprend ce ballon du plat du pied. Ouais. Et jusque-là, eh ben, l'équipe de France est méconnaissable, elle n'arrive pas à marquer, il y a quelque chose qui va pas. Quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, l'équipe de France n'y arrive pas. Et c'est surtout que l'équipe de France, pendant ce match-là, elle voit pas le jour, elle a du mal à sortir de son camp, voilà. Elle se prend rafale sur les côtés. Parce que, avec Bakary Sagna et Escudé, les Irlandais savent très bien que la défense est friable. Patrice Reva, c'est pareil. Mmh. C'est un défenseur qui est tout le temps en attaque. Ouais. Et Trapattoni, il a très bien vu ça. Hein. C'est pas pour rien que contre l'Autriche, ils se sont pris 3 buts au match aller. C'est sûr. Il y a plein de choses. Et puis bon, l'équipe de France, là, si on regarde ce match-là, elle aligne Anelka, Gignac et Henry. Mmh. 3 avant-centres potentiels. Alors, Thierry Henry, c'est l'avant-centre du Barça. Ouais. Anelka, c'est un avant-centre à Chelsea. Voilà. Gignac, il est à Marseille encore, hein, c'est ouais, ça il est à Toulouse, là. Toulouse, d'accord. Donc voilà, 3 avant-centres sur la même position. Et on se retrouve avec un Nicolas Anelka qui décroche et qui ralentit le jeu. Il prend la place à Gourcuff. Gourcuff qui... Est-ce que tu te souviens de cette histoire-là? Gourcuff, dès qu'il y a un coup franc, c'est un super tireur de coup franc à Bordeaux, oui. On lui prend la balle, voilà. On vient, on le laisse pas, on le laisse pas tirer, on le laisse pas jouer. Gourcuff c'est comme s'il n'était pas sur le terrain. Quoi. C'était un mec qui n'était pas du tout apprécié, et tout ce qu'il voulait faire, et ben on l'en empêchait. Quoi. Il y a eu pas mal de clashs hein, avec Gourcuff, avec beaucoup de joueurs de l'équipe de France, et c'est pour ça qu'après... on l'a continué de le prendre, bah, c'est Laurent Blanc, comme il l'aimait bien, il a continué de le prendre en équipe de France. Mm. Mais au bout d'un moment, il était obligé de plus le prendre parce que plus personne ne pouvait le blairer, hein, ce joueur. Hein. Ouais. Mais à cause de quoi on ne sait pas exactement. On saura peut-être un jour, si un jour lui sort un livre, il va peut-être dire pourquoi. Ouais, ouais. On sait pas trop pourquoi, mais bon. Mais voilà, bon, tactiquement, ce qu'on peut dire déjà, voilà, 3 avant-centres qu'on a repositionnés ailiers, à un moment donné, il y en a qui vont décrocher, et c'est exactement sûr. Ce qui se passe. Il y a pas de. Si vous voulez, au milieu de terrain, il y a. Le jeu s'arrête au milieu de terrain en équipe de France. Oui. On sait pas trouver l'attaque. Et on est au Stade de France et c'est limite, on va se prendre le deuxième but. Moi je me souviens ça. À la fin de la mi-temps, on n'est pas loin de se prendre le deuxième but par les Irlandais. Ce match-là me faisait penser bizarrement un petit peu à France-Bulgarie de 93. En pire. En pire. Parce que là, ça aurait été même pire que France-Bulgarie, parce que bon, bah, France-Bulgarie, tu te prends le but dans les dernières secondes. Mais là, tu vois petit à petit la France ne pas y arriver. Ils sont quand même contre une équipe qui a le couteau entre les dents. Hein. Là, l'Irlande, ils y vont avec le fighting spirit. Là, ils sont prêts à y aller. Ils ont envie d'aller en Coupe du Monde. Que comme on disait tout à l'heure, l'équipe de France qui a gagné le match aller, qui se dit bon bah allez, c'est dans la poche. On va faire notre match tranquille. Et ça a été souvent l'équipe de France a souvent eu ce problème-là. On va revenir à cette finale de l'Euro 96. Mais l'Euro 2016, pardon. L'équipe de France qui bat l'Allemagne en demi-finale. Et après, l'équipe de France en finale qui se dit allez, c'est bon, vu qu'on a battu l'Allemagne, le Portugal, ça va être dans la poche. Et ben là, tu vois, c'est exactement pareil. Le match aller, ils ont gagné, ben, c'était dans la poche. Et ben non, parce qu'ils sont tombés contre une équipe d'Irlande qui était 1000 fois plus engagée que l'équipe de France, quoi. Ouais, c'est certain. Hein. Parce que là, justement, l'envie, elle y est. Et la tactique aussi, de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Mais ça n'aurait pas été démérité que l'équipe d'Irlande aille en Coupe du Monde, hein, bien au contraire, de toute façon. Hein. Ah, ça aurait été mieux s'ils avaient su. C'est sûr. Et ben, on arrive donc un partout, fin du temps réglementaire. Enfin, 1-0, fin du temps réglementaire, ça fait donc un partout sur l'ensemble des deux matchs. On est obligé de jouer les prolongations, hein, donc 2 fois 15 minutes. Et si l'équipe de France marque, elle sera qualifiée, et puis qu'il n'y ait plus de but après, elle sera qualifiée pour la Coupe du Monde, ou inverse, si l'équipe d'Irlande marque, ce sera elle qui ira en Coupe du Monde. S'il n'y a pas de but, ça ira au tir au but. Et donc, on arrive à cette fameuse 103e minute de jeu. Ballon dosé dans la surface, pour ce qu'il sort pas, il sort pas. Il y a mal de ce qu'il a dessus aussi. Oui, il y a mal de Thierry Henry. Bien sûr, c'est ce qu'il reproche. Ouais. C'est Rouyan Galas qui l'a mis au fond. Oui, il y a mal de Thierry Henry. 100%. Coup franc de Malouda. Et là, t'as Thierry Henry qui contrôle. Alors, moi, tout de suite, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ouais. J'ai pas vu. Thierry Henry qui contrôle le ballon. On va dire ça comme ça tout de suite. Alors est-ce qu'il frappe? Non, il passe pour non, il centre en fait, et puis c'est Galas qui reprend du torse ou de la tête, et puis qui marque le but pour l'équipe de France. Alors pour le moment on est content parce que l'équipe de France a marqué, mais là tu vois chez Given qui court vers l'arbitre et puis qui tape sa main contre son autre main, et là tous les joueurs irlandais qui réclament une main. Bon. Ouais. Au début, je me disais, ils sont un peu mauvais perdants parce que voilà, ils essayent de faire influencer l'arbitre pour qu'il annule le but. Et malheureusement, quand on regarde le ralenti, ben, on voit bien que Thierry Henry fait main, mais là, c'est même pas une main involontaire, c'est vraiment une main volontaire. Il essaye de ramener le ballon vers lui pour que le ballon ne sorte pas en sortie de but, c'est flagrant. Et là, d'autant en 2006, il y avait eu la vidéo pour voir Zinedine Zidane faire un coup de tête sur Materazzi. Là, pas de... Bah, de toute façon, il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Hein. Ils ne voulaient pas instaurer ce truc-là. Ouais. Il n'y a aucune contestation. Enfin, les arbitres, j'ai pas souvenir qu'ils se parlent entre eux. Ils accordent le but, tout simplement. Ouais. Ils accordent le but, peut-être sur un... Comment dire ? Il y a un manque de discernement de l'action. Parce que quand il y a la balle en cloche qui arrive sur Thierry Henry, côté gauche du but, il y a pas mal de joueurs autour. Il y a pas mal de joueurs parce qu'on est dans les prolongations, faut le savoir. Voilà, et justement, tous les joueurs montent pour éviter les tirs au but. Et c'est un peu... c'est peut-être un peu difficile de revoir exactement ce qui s'est passé pour un arbitre qui est posé. Je sais pas si l'arbitre il était en haut à l'opposé ou s'il était en bas. Je pense qu'il était vers la ligne d'en but, mais après l'arbitre de touche, je pense que lui il peut rien voir du tout. De toute façon, il n'y avait pas à l'époque en plus, il n'y avait pas d'arbitre sur le bord des terrains comme ça se fait maintenant. Je pense que ça aurait été maintenant, il l'aurait vu, ou encore ça se trouve il l'aurait même pas vu parce que des fois ça sert strictement à rien. Ouais. Mais bon, là, malheureusement, on peut dire que Thierry Henry, il a délibérément touché ce ballon de la main pour se le remettre et puis pour centrer. Donc, grosse incompréhension, l'Irlande qui crée au scandale. Donc, la France qui va gagner grâce à ce but de Gallas. Donc, ça fait un partout en prolongation. Et donc, l'équipe de France qui est qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais alors dans les jours qui suivent, ça va pas être du tout l'équipe de France qui est qualifiée en Coupe du Monde, ça va être la main d'Henri. Et Henri va être traité de diable, enfin Thierry Henri va être... il va s'en prendre plein la gueule de toute façon, parce que c'est vrai qu'au début, je sais pas si tu te souviens, il dit pas qu'il a fait main. Non mais le pire c'est justement, faut même pas attendre les jours d'après, faut regarder la fin du match. La fin du match c'est Thierry Henry qui vient vers les Irlandais et qui s'assoit à côté d'un des joueurs en tailleur, il s'assoit par terre en faisant un peu la personne qui culpabilise, mais il a un sourire en coin du genre. Et il avait raison, Cantona, c'est ce qu'il avait dit, il fait c'est même pas la main d'Henri qui me gêne, c'est le fait qu'il soit... Qu'il vienne s'asseoir à côté des Irlandais et qu'il fasse comme si il voulait se faire pardonner. Mmh. C'est plus il veut se faire pardonner que de dire pardon aux Irlandais, t'as l'impression. C'est ça. Le pire, c'est quand on retrouve les deux idiots, je suis désolé de dire ça, mais Escalette et Domenech courir comme des jeunes effarouchés, des jeunes vierges là sur le terrain, qui viennent d'aller à la première surprise partie. Là. Courir comme... Je veux dire, le match, il mérite jamais de se qualifier. Non, il mérite. À aucun moment du match. En plus, ils marquent sur une action litigieuse où il y a la main. Soi-disant, ils n'ont pas vu la main, qu'ils ont voulu célébrer. Et Domenech qui nous sort à la fin du match. Arrêtez de polémiquer, pensez plutôt à célébrer, c'est la fête ce soir. Mais la fête de quoi ? Moi, j'aurais été sur le terrain, j'aurais eu du mal à célébrer cette victoire parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas honnête. Elle n'est pas honnête. Henri aurait dû... sortir du terrain, aurait dû peut-être fêter dans les vestiaires, mais il aurait pas dû faire ça. Je lui en veux pas. Après, on a beaucoup parlé de la main de Vata, tu te rappelles, on disait que c'était la main du diable, mais on l'a jamais sanctionné. Maradona, on l'a adulé parce qu'il avait marqué de la main. Et Henri, il s'en prend plein la gueule quand même, hein. C'est vrai que... Ouais, mais bon. Il y a des contextes. Voilà. À chaque fois, si tu veux, tu peux pas comparer, la main de Maradona à la main de Thierry Henry. C'est pas le même contexte avec la guerre des Malouines, avec l'Angleterre, l'Argentine. Maradona, c'est une revanche politique, si tu veux, c'est un match quelconque. Et le geste, il est moche. Qu'est-ce qui empêche, je veux dire, Thierry Henry, c'est quelqu'un qui a tout gagné dans sa carrière, il a tout gagné. Qu'est-ce qui l'empêche d'attendre les tirs au but pour se qualifier proprement, je veux dire, c'est pas dit qu'on se serait fait éliminer au tir au but, mais au moins, pour, je veux dire, un grand joueur, ça, à un moment donné, pour montrer que c'est un grand homme, il doit pas faire ce genre de choses sur un terrain. Si tu, à la limite, tu vois, je sais pas moi, entre les PSG Marseille, un Francis Lasser ou un Colter qui fait ça à un moment du match. Ouais. On va dire, voilà, c'est la rivalité, la haine entre les deux clubs. Voilà. Là, le contexte, il est ridicule. Enfin, il est pas, c'est une qualification pour une Coupe du Monde, mais Thierry Henry, dans le, je veux dire, c'est un grand champion, sportivement. Qu'est-ce qu'il a besoin en plus? Qu'est-ce qui justifie ce geste, je veux dire? C'est incompréhensible. Alors, lui, il a dit, la balle est venue sur moi, j'ai eu le réflexe, mais le réflexe... Non, c'est pas un réflexe, ça, je suis désolé, mais bon. Mais bon, je sais qu'il adore le basket, voilà, mais quelques jours après, il aura quand même, il avouera qu'il a fait volontairement cette main, il l'avouera de toute façon, mais c'est trop tard. De toute façon, c'est trop tard de dire ça, c'est fait. Alors, t'as quand même l'Irlande qui va, alors pas porter plainte, mais qui va demander à la FIFA de rejouer le match. Ouais. Ça va être refusé. Ils vont demander, bah alors si, dans ce cas-là, si on joue pas le match vu qu'on se fait voler, bah on veut participer à la Coupe du Monde. Ça a été refusé. Et on saura quelques années plus tard, je me demande s'il n'y a pas 2-3 ans de ça, que l'Irlande aura reçu quand même de la part de la FIFA 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, voilà. En compensation de cet incident qu'il y avait eu. Voilà. Alors ils disent que c'est voilà pour aider l'Irlande, des trucs comme ça, c'est plus pour dire bah vous fermez votre gueule maintenant, vous avez eu de l'argent. Voilà. Ouais, c'est certain, mais. Mais ça changera quoi? Ça change rien, quoi. Bah, on va dire que l'argent qu'ils ont reçu, c'est plus par rapport au fait que, ouais, comme tu dis, ils veulent pas que l'Irlande porte plainte contre la FIFA, mais à un moment donné, tu te tires une balle dans le pied si tu portes la FIFA. Porte plainte contre la FIFA, je veux dire, parce que t'as besoin de participer à des compétitions internationales pour valoriser ton équipe nationale. Donc tu peux pas non plus refuser de participer à des championnats d'Europe dans le futur ou des choses comme ça. L'Irlande, ils sont un peu bloqués, mais je veux dire en compensation financière par rapport au préjudice, tout ce qui est commercial, les contrats de pub qu'ils ont perdu justement parce qu'ils ont pas, ils ont pas pu y aller. Ouais. Voilà, ça rentre en compte. Hein. C'est quand même un incident assez grave hein, dans l'histoire des qualifications à la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, je me rappelle plus si c'est l'Irlande qui avait demandé que Thierry Henry soit puni. Le problème, c'est que la FIFA n'a pas dans le code disciplinaire de la FIFA, ils ont aucune loi qui stipule qu'un joueur doit être sanctionné s'il fait main, quoi. S'il fait une main volontaire comme ça, il y a rien qui est stipulé. Donc en fait, la FIFA ne pouvait même pas le sanctionner. Ouais, mais de toute manière, ils ont aucun pouvoir. L'employeur de Thierry Henry, c'est Barcelone. Voilà. Et je veux dire, ils ont aucun pouvoir. La FIFA, c'est juste un organisme pour organiser des compétitions. À la limite, ils auraient pu refaire jouer le match parce qu'ils sont de mauvaise foi. Ils savent très bien que les Français, quand ils vont dans une Coupe du Monde, ils dépensent, ils sont plus nombreux peut-être que des Irlandais, ils dépensent plus et les contrats de publicitaires sont plus gros, je pense. Il y a des joueurs plus connus qui vont attirer les foules dans les stades. Voilà. Enfin, je veux dire, leur intérêt, c'est pas que la France soit exclu à la Coupe du Monde, quoi. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans la FIFA à cette époque. Hein. Après, entre nous, l'Irlande aurait fait cette main-là. Je pense pas que le mec qui ait fait la main, il dise excusez-moi. On peut toujours se poser la question. On peut toujours poser la question, mais je suis pas sûr que le mec dise attendez, arrêtez, j'ai fait main, on rejoue. Non. Il y a trop d'enjeux, surtout pour l'Irlande. Il y aurait eu trop d'enjeux pour clamer quoi que ce soit. Bon, enfin, c'est voilà, on peut en polémiquer dessus pendant des heures. C'est fait maintenant. Il n'y a jamais eu de sanction, mais l'équipe de France s'est qualifiée vraiment dégueulassement et c'est pas ce qu'on attend de l'équipe de France, quoi. Bah, le pire, c'est ça, hein, c'est que le personnage Domenech qui continue dans son rôle un peu de mal aimé que le public ne supporte plus, parce que comme j'ai dit après le match, il continue de mépriser le public français en disant que des rabat-joie, on est qualifié, faites la fête. Ça, c'est insupportable d'entendre. Moi, j'ai l'impression que c'est un mec qui s'est créé un personnage. Bah, j'espère, parce que s'il est vraiment comme ça, encore, il est grave. J'ai pas l'impression, mais je crois qu'il est vraiment comme ça. Je sais pas, mais C'est un mec qui, j'ai l'impression qu'il s'est créé un personnage et qui aimait en fait se faire détester, quoi. Il y a une forme de schizophrénie quand même. Ouais, non mais le problème c'est ça, c'est que c'est une énigme ce mec. C'est vraiment une énigme. Mais là encore, de ce qui s'est passé là, c'est rien par rapport à ce qui va se passer plus tard. Donc l'équipe de France, je pense qu'on a assez dit sur ce France-Irlande, sur cette main de Thierry Henry, à moins que tu aies d'autres... Ce dont je me souviens aussi, c'est qu'il y avait une pétition en Irlande, oui. Justement aussi dans la population pour refaire le match. Oui. Bah, ça n'aurait jamais abouti. Et puis après, plus tard, justement, quand la France a été qualifiée, on va dire le soir du match. Les Irlandais avaient lancé une campagne de pub dans des pizzerias où à chaque but, en fait, ils offraient des pizzas gratuites aux Irlandais pendant la Coupe du Monde quand la France se prendra un but. Ouais, on va dire. Mais bon, je pense que c'était pas bon d'être français en Irlande à cette époque-là. Bon, je pense pas que... Ils sont pas forcément violents comme ça, de nature vraiment violente, les Irlandais, mais... Bon. Mais tu peux te poser la question, par exemple... Ouais. Est-ce que s'il y avait eu un Italie-France, par exemple, est-ce que justement la FIFA aurait pas refait jouer le match? Tu vois ce que je veux dire? C'est possible. Parce que comme l'Italie et la France, bah pareil, hein, les sponsors, ce sont quand même, je pense, des grosses écuries qui demandent à être sponsors de l'équipe d'Italie ou de l'équipe de France. Je pense qu'il y aurait eu quelque chose. Mais t'as tout à fait raison de poser cette question. Je suis du même avis que toi, je pense qu'ils auraient fait rejouer le match. Peut-être un match à 8, enfin pas forcément à huis clos, mais dans un autre pays. Un match ailleurs, sur terre neutre, voilà. Ça aurait, je pense aussi. Franchement, ouais. C'est à se poser. C'est une bonne déduction, ça. Je pense que c'est un truc à se poser, ouais. Mais bon, on n'est pas là, donc l'équipe de France qui est qualifiée, et on va découvrir un petit peu les contre qui on va tomber. Donc nous sommes en décembre 2009, je crois, si je dis pas de bêtises, quand on connaît le groupe contre qui on va tomber. Et nous serons dans le groupe A avec l'Uruguay, le Mexique et l'Afrique du Sud, et pour notre cher et tendre Gilbert Bribois de RMC, c'était le jackpot. Jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot. Le jackpot total pour l'équipe de France, c'est inespéré. Voilà. Un jackpot relatif, hein, parce que c'est les Coupes du Monde, c'est toujours pareil. Hein. En fait, tu sais, dans les médias, à cette époque-là, faut dire que il y a toujours cette forme de mépris qui existe encore pour les petits pays économiquement, ouais, qui font pas partie des grands du monde, en fait, comme l'Allemagne, l'Italie, sur le plan financier. Et quand on parle de l'Uruguay, du Mexique et de l'Afrique du Sud, les médias, ils en rigolent, quoi. Ils disent, ouais, c'est qui ceux-là, ils vont pas nous embêter, pourtant, enfin, pour être poli. Les France-Uruguay n'ont jamais été faciles pour l'équipe de France. Donc il y avait eu un France-Uruguay en 85, là, avec la Coupe Intercontinentale à l'époque, où la France avait gagné 2-0, mais après les matchs contre l'Uruguay, ça c'était soit soldé par une défaite, soit par des matchs nuls. Donc c'est quand même une équipe très difficile, hein. Ouais, bien sûr. Ce que je veux dire, tu sais, dans les grands médias, en fait, c'est qu'ils ont tendance à confondre, en fait, la situation économique du pays, voilà, et le côté sportif. Ils sont capables de mépriser un pays en disant que, juste, enfin, ils connaissent pas les joueurs. À cette époque-là, les joueurs de l'Uruguay, il y avait déjà Suarez. Je veux dire, à part Forlan, moi je te parie que t'avais des gens sur RMC ou d'autres grands médias qui ne savaient pas la moitié de l'équipe d'Uruguay. Ouais, et le Mexique, c'est pareil. Pourtant, le Mexique, régulièrement, ils sont en Coupe du Monde. Tu sais qu'ils finissent souvent deuxième ou troisième de leur groupe pour les huitièmes. C'est une équipe sûre. Et t'as l'Afrique du Sud qui joue à domicile. Comment tu peux dire c'est un jackpot? À quel moment, je veux dire, quand t'as perdu contre la Chine en match amical, qu'on verra plus tard, Non mais je veux dire, il y a un moment donné, il y a une bêtise et un manque de culture des médias qui ont relayé des fausses informations sur les équipes qu'on a rencontrées, quoi. Alors juste avant cette Coupe du Monde, on va parler un peu des matchs amicaux qui se sont passés juste avant. La France qui va rencontrer l'Espagne, et là ça va être une défaite 2-0 contre l'Espagne, futur vainqueur de cette Coupe du Monde. Ah, c'est une grosse Espagne. Là, c'est une grosse Espagne. Ils sont vraiment tombés contre plus fort. L'équipe de France ne pouvait strictement rien faire contre cette équipe. Une leçon, c'était pris au Stade de France. Une leçon de football. Ensuite, ils vont rencontrer le Costa Rica. Difficile victoire, 2-1. Voilà. Ouais, À Lens, ça se jouait avec la première sélection de Valbuena et le premier but. Mm-hmm. Ensuite, il va y avoir un Tunisie-France. Voilà, ça, c'est les matchs de préparation. Vraiment, les tests matchs d'avant la Coupe du Monde. Avec un Tunisie-France où l'équipe de France ne fait que un partout. Ouais, voilà. Hélas. Ça jouait à Rades. Moi, je m'en souviens un petit peu de ce match. C'était un peu vraiment bizarre, ce match. Encore une fois, l'équipe de France qui se prend un but dans les 10 premières minutes pour changer. Et ensuite, le dernier match de préparation qui se joue à La Réunion. Donc, première fois que l'équipe de France se déplace à La Réunion. Et ils doivent rencontrer la Chine, qui normalement est censée être une équipe assez facile. Hein. Ouais. Et l'équipe de France, qui va perdre 1-0. Voilà. Voilà. Non, mais ce match-là, je m'en souviens, mais c'était pitoyable. Pour couronner le tout, mais c'était pitoyable. Et là, tu te disais, on va y aller à cette Coupe du Monde avec cette envie-là. Il y a quelque chose qui va pas. Bon, il n'y a pas le décalage horaire, il n'y a pas la chaleur, non, là l'équipe de France avait pas envie de jouer ce match-là, c'est tout, enfin il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi, il n'y a pas de cohésion dans l'équipe, là. Non seulement ils n'avaient pas envie de jouer, mais encore tactiquement, c'était un bordel, match, hein. Moi je me souviens qu'il fait rentrer des joueurs dans tous les sens, on sait pas pourquoi il les met sur le terrain, ils jouent pas à leur place, Domenech il avait une fâcheuse tendance aussi, voilà, c'est ça, à mettre des joueurs à des places qui jouaient pas en club, auxquels ils jouaient pas en club. À lesquels. Donc franchement, c'était assez. Moi franchement, pour moi on va dans le mur. Mais oui. c'est de la continuité, quoi. La main de Thierry Henry, les qualifications, les défaites en Autriche. C'est un tour. On n'en peut plus, quoi. Ça fait 2 ans que ça dure, voire 3 ans avec l'Euro 2008. Sincèrement, le public français, il est à bout, quoi. C'est sûr. On va parler alors des sélectionnés de cette équipe de France. Parle-nous un petit peu de cette équipe de France et ses sélectionnés. Donc on avait comme gardien de but Hugo Lloris, qui est en pleine bourre avec l'Olympique Lyonnais. Steve Mandanda de l'Olympique de Marseille. Fraîchement champion. Ouais, fraîchement champion avec Mandanda et l'OM qui ont fait une superbe saison avec Lucho Gonzalez et Deschamps qui a amené le club champion de France depuis 93 et n'avait pas été. Et côté Girondins de Bordeaux, on a Cédric Carrasso aussi qui est dans les buts comme troisième gardien. Et c'est, on va dire que là, au niveau des gardiens de but, on a une bonne génération, oui. Parce que Hugo Lloris, il est tout jeune. Et je veux dire, à Lyon, c'est un gardien respecté. Il est pas mauvais. Non, franchement, on a des bons gardiens, quoi. Depuis, on va dire, tu sais, Bernard Lama et Barthez, c'est la première génération de gardiens qui est vraiment assez solide, je trouve. C'est sûr. Et puis côté défenseur, on a Eric Abidal, Bakary Sagna, Anthony Réveillère, Gaël Clichy, Patrice Evra, William Gallas, Marc Planus de Bordeaux aussi, Sébastien Sculacci qui joue au FC Séville. Et Eric Abidal qui est au FC Barcelone. Alors je me souviens plus si c'était fait déjà opérer il s'était fait greffer ou pas, je sais plus. Ou si c'était après ça. Une première fois parce qu'il s'est fait greffer 2 fois, je crois, Eric Abidal. Ouais. Je crois qu'il avait déjà reçu une première opération. C'est possible. Mmh. Et en défense, on a ce qui est inquiétant, c'est qu'on a le fameux Bakary Sagna qui a jamais été performant où qu'il soit. Gaël Clichy, c'est pareil. Il y a les valeurs sûres, c'est William Gallas, surtout en défense, hein, William Gallas. Mais bon, on va dire que il n'y a pas de cohésion, en fait, parce qu'à cause de Domenech, qui fait souvent des changements de charnière. Et puis, même si tu te souviens, pendant les émissions de téléfoot le matin, en préparation, avant la Coupe du Monde, il y a toujours Domenech qui est là pour répondre aux interviews. Et il dit, on est en préparation, on essaye des choses. Mais attends, y a rien. T'es en préparation depuis 2 ans, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as l'impression que le mec il veut faire sa tactique à quelques jours de la Coupe du Monde, mais c'est pas à ce moment-là qu'il le fait. Mais non. T'as 2 ans pour te préparer, et le mec, il a toujours pas de tactique en tête. Ça va pas, c'est pas possible, mais ça. Si tu te souviens, en 2008, il disait, ah, nous, on prépare la Coupe du Monde 2010, on n'est pas... voilà. Et alors, pourquoi toujours l'Euro 2008 si tu prépares autre chose? Et là, c'est pareil. Il dit, non, mais on essaye, on prépare 2012. Ah, oh, mais attends, à un moment donné, faut pas repousser les échéances comme ça. Ça montre vraiment la faiblesse du personnage au niveau tactique. Et, c'est pas possible, quoi. Bon, au niveau du milieu de terrain, il y avait Abou Diaby qui jouait à Arsenal, Alou Diarra à Bordeaux. Toulalan qui était à Lyon. Alors Lyon, c'est on va dire, je crois que c'est sa dernière année, Toulalan peut-être à Lyon. Et il y a Florent Malouda à Chelsea. Sidney Govou à Lyon aussi encore. Il y a beaucoup de Lyonnais. Franck Ribéry qui est au Bayern. L'épisode des. Ah ben, mais justement, on en parlera. Ça, j'ai eu ça me fait rire on déjà. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Johan Gourcuff donc à Girondins de Bordeaux. Et Mathieu Valbuena qui est première fois sélectionné, pareil, un petit documentaire sur lui où on le voit pleurer avec ses parents dans son canapé. Le jour de la sélection, ouais. Et Valbuena quand même, c'est un joueur qui a du mérite, hein, parce que qu'on l'aime pas ou qu'on le déteste au pire, je veux dire. C'est un joueur, par rapport à sa taille et au talent qu'il avait, l'envie, et il est arrivé à être joueur professionnel. Ouais. C'est un miracle, presque. Il y a très peu de joueurs, on va dire, qui font sa taille, sans être méchant, hein, mais qui sont arrivés à être joueur professionnel. Ouais, mais lui, il a franchement, Valbuena, il a souffert d'un délit de sale gueule à un moment donné. Hein. Ah ouais. C'est triste, hein, parce que c'est un mec, je trouve, qui a énormément de talent, moi. C'est un joueur qui a une frappe exceptionnelle. Et depuis l'affaire de la sextape, malheureusement, ça l'a complètement déboussolé. Ouais. Ça l'a complètement, qu'on le veuille ou non, il a explosé en vol. Alors que dans la base, c'est lui la victime, c'est ouais, ça. C'est ça. Et voilà. Bon, on peut revenir 20 fois sur la méconnaissance du côté sportif des médias. C'est toujours pareil. Hein. Ouais. Donc, au niveau des attaquants, André-Pierre Gignac, qui joue encore à Toulouse, comme tu disais tout à l'heure. Il y avait des transferts à Marseille la saison qui arrivait, de toute façon. Djibril Cissé, qui joue au Panathinaikos. Ouais. Si les stats sont bonnes, sur... Oui, il n'y a pas de soucis. Il y a Nicolas Anelka, ouais, et Thierry Henry du Barça, donc qui gagne... Thierry Henry qui fait une superbe saison avec le Barça, hein, parce que c'est cette année-là justement où le Barça rafle je sais plus combien de titres, là, 11 titres durant l'année, quelque chose comme ça. Et ils ont tout gagné, quoi. Et on va dire on a des grands joueurs, mais on n'a pas d'équipe. C'est ça. Et c'est triste, hein, parce que on va dire que c'est comme un avion qui va décoller, mais. On sait qu'il y a des instruments à bord qui marchent pas. Voilà. On sait qu'on va s'écraser après le décollage, quoi. Tout le monde le sait, hein. Ouais. Même Domenech, moi je soupçonne Domenech à un moment donné d'avoir privilégié le côté pécunier, si tu veux, en se disant, quoi qu'il arrive avec ces joueurs-là, je pourrais pas les commander. Je vais faire comme si tout va bien. On va aller à la Coupe du Monde, on va se manquer, c'est pas grave, et moi j'aurai l'argent. Et je vais baratiner les médias comme toujours, j'ai fait, et puis rien va changer. C'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, il y a eu aussi une autre polémique par rapport à cette sélection, c'est que c'est la première fois depuis que les sélectionneurs donnent leur composition que Domenech avait choisi TF1, exclusivement TF1, pour donner sa liste. En effet, ouais. Liste. Et alors, en fait, bon, le truc, c'est que comme l'équipe de France était liée à TF1, ils pouvaient pas faire autrement que de le faire que sur TF1. Donc, à l'époque, et ben, les journaux de France 2 et puis des autres chaînes étaient obligés d'attendre que Domenech ait terminé de donner la sélection pour donner la sélection qu'il y avait de l'équipe de France, quoi. Et ça, ça avait pas mal jasé aussi à l'époque. Hein. Ouais, bien sûr. Et est-ce que c'est pas cette Coupe du Monde là aussi où il y a que SFR à qui il répond en conférence de presse? Ouais, ça te dit, ça te dit quelque chose, ouais. Ouais, ouais. SFR qui fait de toute façon qui est partenaire de l'équipe de France aussi. Ouais. Donc c'est possible. Et donc avant cette Coupe du Monde, il va y avoir un gros souci avec certains joueurs. On va apprendre que certains. Alors tout de suite, on n'a pas les noms. Mais on va apprendre que certains joueurs auraient eu affaire à une prostituée. Oh, j'avais oublié. Oh mon dieu. Voilà. Auraient eu affaire à une prostituée, une certaine Zaya. Alors, tout de suite, on a des champions du monde, hein, entre guillemets. Hein. Voilà. tout de suite, on ne sait pas qui a affaire à cette jeune prostituée, mais on sait que certains joueurs de l'équipe de France ont tarifé pour avoir les services d'une prostituée. Au bout d'un certain moment, on va avoir le nom de certains joueurs. On va savoir que Karim Benzema va avoir affaire à cette jeune dame, et Franck Ribéry aussi va avoir affaire à cette jeune dame. Bon, après, y a d'autres joueurs qui seront cités. Mais voilà, ça tombe en plein juste avant la Coupe du Monde, hein, c'est un peu un énorme éclair dans le ciel de l'équipe de France. Ouais. Voilà, deux joueurs qui sont soupçonnés d'avoir eu affaire. Alors en plus, bon, en elle-même, affaire avec des prostituées, ce serait pas la première fois, mais là la prostituée aurait été mineure à l'époque. Voilà. En plus, ouais. Bon, ça après, ils sont pas censés le savoir vu qu'elle travaille, voilà. Elle travaillait dans un établissement parisien assez connu en fait. Voilà. Donc, je veux dire, eux, s'ils vont dans ces boîtes là, ils sont pas responsables des personnes qui travaillent non plus, voilà. Quoi. Ils ont été pris par surprise, on va dire. Alors, en fait, à l'époque, je sais qu'il y avait, je crois que c'était Rosine Bachelot et Ramayat qui demandent absolument à Domenech de. Je crois qu'il y avait une. Je me demande si c'était pas une lettre écrite à Domenech, comme quoi il fallait absolument enlever Ribéry et puis Benzema de la Coupe du Monde, parce que ça aurait fait tâche à la télé de voir deux personnes qui auraient eu affaire à des prostituées. Alors il y a Govou aussi qui était cité dedans. Ouais. Et je me souviens aussi dans le CFC, Pierre Ménès qui avait dit qu'il avait été soupçonné aussi d'avoir eu affaire à cette femme-là. Et Pierre Ménès, bon, c'était complètement faux, qui avait dit de toute façon, c'est pas grave, mes avocats sont sur l'affaire, ça va péter dans quelques jours. Ouais. Et voilà. Donc voilà, une affaire déjà qui a sombré encore plus l'équipe de France. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, on va arriver tout de suite à cette Coupe du Monde. Donc l'équipe de France qui est logée à Naïsna, en Afrique du Sud, un complexe hôtelier où les joueurs, c'est un complexe proche de la mer en plus, j'ai l'impression, je crois. Ils sont dans un complexe hôtelier où... De luxe, hein, il faut dire, parce voilà, que oui, ça a fait polémique aussi, ça, parce qu'ils ont pris un des établissements les plus chers qu'il y avait pour se loger. Hein. Voilà, exactement, c'est un des plus chers. Et je crois qu'à Naïsna aussi, il y avait le Danemark hein, qui logeait aussi, qui logeait dans cette ville-là. Et le gros souci, c'est que les joueurs de l'équipe de France vont être complètement coupés du monde, en fait, tout simplement. Ils vont être un peu dans une forteresse où ils verront rien du tout. Tout est à proximité du complexe hôtelier. Et là, ça va être un gros souci parce que pendant passer au moins 2-3 semaines là-bas sans voir personne, sans personne, au bout d'un moment, tu pètes un câble de toute façon. Et je pense que c'est ce qui va un petit peu aussi faire envenimer les choses après quoi. Ah, parce que déjà qu'il y a... déjà ce que ouais voilà ce que tu veux dire c'est que déjà il y a sûrement des clans dans l'équipe de France. Le fait qu'ils se déplacent de 2-3 km seulement pour aller au terrain d'entraînement et revenir à l'hôtel, à un moment donné, les clans, s'il y a des tensions, ça va être de pire en pire. Et c'est ce qu'on verra plus tard qui se passera. Mais c'est pas une bonne idée. On sait très bien que mettre des joueurs comme ça en vase clos, à un moment donné... ça marche pas. On avait vu, c'était l'OM en 91, pareil, ils avaient perdu la finale, ils avaient été mis, ils avaient été enclôturés dans un hôtel, ils n'avaient pas le droit de sortir, ils n'avaient rien le droit de faire. Bon, ils avaient perdu la finale en 93, ils avaient le droit de sortir, ils avaient fait des barbecues, ils avaient invité des anciens joueurs de l'équipe de France, des anciens joueurs de l'OM comme Waddle, tu vois, tous les voilà. Ah, bien sûr, ouais. Ça les avait détendus et ils avaient gagné la finale. Pour l'équipe de France en 2006, c'est pareil, ils étaient un petit peu clos, mais ils avaient un endroit de l'hôtel où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient bouffer du barbecue, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient pour se détendre. Sauf que là, en 2010, ils n'ont pas ce privilège-là. Et je pense qu'il y a beaucoup qui vont péter un câble de toute façon. Mmh. Et donc. Tu veux rajouter quelque chose dessus ? Non, du tout. Ouais. Et là, on arrive donc à la compétition même. Donc, là, je vais le répéter, hein, l'équipe de France qui va rencontrer l'Afrique du Sud, l'Uruguay et le Mexique. Enfin, c'est pas dans l'ordre, mais bon, voilà, ils vont rencontrer d'abord l'Uruguay. L'équipe de France va faire 0-0. Et l'habitude des joueurs de l'équipe de France, c'est de foirer leur début de compétition, depuis 2002. Ouais, c'est ça, hein, depuis 2002, ils vont foirer leur début de compétition, ils ne perdent pas, mais ils font un triste 0-0, ce match-là, il est pas beau, quoi. Bah, on va dire que c'est le meilleur match de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde. C'est le meilleur match, c'est sûr. Il y a une ou deux actions, je me souviens, où il y a Ribéry qui déborde et qui centre, il n'y a personne dans les buts, et il n'y a pas l'attaquant de l'équipe de France pour reprendre. Il y a des actions comme ça. Sur des centres en retrait, mais par contre l'Uruguay, on voit qu'il y a des qualités assez impressionnantes en attaque et que c'est possible qu'ils aillent un peu plus loin que l'équipe de France à un certain moment, parce que quand on a des joueurs quand même comme Luis Suarez et Diego Forlán, hein, qui sont quand même des forces maîtresses, surtout Forlán, hein, à l'Atlético Madrid, je veux dire, c'est... Il y a quand même une superbe défense et 2-3 gros joueurs, hein, individualité en attaque. Je veux dire, c'est avant le match, ils font pas peur, l'Uruguay. Mais quand le match se déroule, tu te dis, aïe, aïe, aïe, l'Uruguay, quand même, on a l'impression qu'ils vont faire une grande Coupe du Monde parce qu'ils ont vraiment, eux, la grinta, tu sais, comme on dit. Ouais. Et des sacrés bons joueurs en attaque. Et là, bizarrement, Henri qui est sur le banc. En début de match. Ouais. Il va rentrer. C'est une punition. Hein. Ouais, c'est une punition. Bah, je pense que c'est le coup de gueule qu'il avait eu avec lui. Une punition aussi. Dire, vous avez vu, il a fait une main lors du barrage. Et ben voilà, je le mets sur le banc pour le punir. Mais c'est nul. C'est nul. Ouais, de toute façon, je pense que Henri aurait été tout de suite sur le terrain. Je pense que ça serait passé autrement. Là, il met Anelka qui arrive pas du tout à s'entendre avec Gourcuff. Il remet Anelka dans un rôle qui lui est propre à Chelsea, puis dans tous les autres clubs qu'il avait fait. Mais il y a un manque d'entente. Et puis je crois qu'en plus, Anelka et Gourcuff pouvaient vraiment pas se blairer en dehors du terrain. Là, il y a une tactique qui est à chier, quoi, pour ce match-là. Ouais, ouais. Parce que quand tu mets Diaby tout l'allant, Gourcuff au milieu de terrain, et quand tu sais que Anelka vient prendre les ballons à Diaby et Gourcuff, ouais, voilà. Ça va pas aller, hein. Y a plus d'attaquants. Et Ribéry sur son côté qui fait le soliste un peu. Enfin bon, c'est le même problème. C'est les joueurs qu'on. T'as un clan de 3-4 joueurs qui ont le pouvoir. Bon, encore heureux, il n'y a pas Samir Nasri là, hein, mais je veux dire, il aurait été là. Ça aurait été la totale, je veux dire. La totale, hein. C'est sûr. Tu l'aurais vu sur le banc touche en train de rire, en train de se foutre de la gueule de Gourcuff, des choses comme ça. C'est quoi. C'est sûr. Et d'ailleurs, il y avait une juste avant, pendant ce match-là, je crois, il y avait presque un début de bagarre entre Florent Malouda et Valbuena. Ça, ah d'accord. Ouais, ils ont révélé ça il y a pas très longtemps. Parce qu'en fait, Malouda, il refuse de jouer milieu défensif. Et ouais. Pour se venger un petit peu de ce qu'avait dit Domenech, pendant un entraînement, il avait fait un tacle à la limite, un peu à la Cantona, tu te rappelles, sur Der Zakarian, ouais. Ouais, sur Valbuena. C'en était venu presque aux mains. Et voilà, donc déjà, ouais, sale ambiance. Il y a déjà une sale ambiance dans cette équipe de France. Evra qui va tenter essayer de remobiliser un petit peu les troupes, mais ça va pas forcément marcher. Donc l'équipe de France qui fait 0-0 contre l'Uruguay, bon à ce moment-là tu te dis c'est un petit incident, l'Uruguay c'est une équipe qui est pas trop mauvaise en plus. Et puis l'équipe de France qui a depuis 2002, hein, comme je disais, qui a l'habitude de foirer ses débuts de match. Et ensuite le deuxième match contre le Mexique. Et là je me souviens de TF1 qui disait que c'était dans la poche. Ah, mais ça, toute cette Coupe du Monde, c'était dans la poche à tous les matchs. Hein. Je me souviens de Christian Jean-Pierre, que lui, c'était sûr que l'équipe de France allait se qualifier, fallait surtout pas louper ce match. Le journal avait dit juste avant, vous allez voir, l'équipe de France va y aller, ça va être facile, on va battre ces Mexicains. Mmh. Malheureusement, ça va pas du tout se passer comme ça. L'équipe de France, qui va perdre 2-0 face à cette équipe de Mexique. 2-0, je me souviens, c'est comment il s'appelait, Blanco qui marque. Attends, non, comment c'est Les buteurs. Hernandez Blanco, ouais, c'est ça. Ouais. Blanco. Ah ouais. Qui marque Alors Blanco qu'on avait pu voir en 98, hein, c'est lui qui avait participé avec le Mexique en 98. Ouais, ouais, ouais, il était le déjà. Saut carpé, le saut du crapaud. Bah là, il était pas loin d'avoir plus de 35 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça à peu près. Tu vois là encore, c'est pareil, hein, c'est du mépris par rapport aux petits Mexicains, soi-disant. Mais je pense que les États-Unis auraient fait la même chose, hein, s'ils avaient rencontré le Mexique. Hein. Il y aurait eu un mépris du petit peuple, de travailleurs, des choses comme ça. À cette époque-là, je te dis, franchement, les médias français, il y a eu, c'est vraiment après 2010 qu'il y a eu une remise en question de tous les médias, parce que justement, on peut ne pas aimer Daniel Riolo, par exemple, sur RMC, mais lui, il a un peu révolutionné la façon de penser des gens en France après cette Coupe du Monde, en remettant en question justement tous les médias qui faisaient, entre guillemets, de la lèche à l'équipe de France aveuglément, sans vraiment analyser le côté sportif des équipes qu'on rencontrait à chaque fois. Même dans les clubs, je sais pas si tu te souviens, tu sais, t'avais souvent des clubs français qui jouaient des tours préliminaires d'Europa League ou des choses comme ça, et parce qu'on se disait on allait jouer contre des Hongrois ou on allait jouer contre facile. Ça allait être facile, mais de quel droit tu dis ça, on se prenait des tôles des fois, de quel droit tu dis ça, tu peux. Enfin, je veux dire, sans avoir analysé l'équipe, c'est un peu comme quand le Milan AC venait en France jouer à Bordeaux, c'est un peu la même chose. Contre Marseille et Bordeaux, ouais. Ouais, voilà. C'est... Enfin, bon... Et là, Domenech, il s'entête à remettre une équipe presque à peu près identique à celle contre l'Uruguay. Et ça marche pas, Nelka qui est pas bon devant le but, il y a un certain souci, tu vois, il y a même pas, Henry ne joue pas, il est toujours sur le banc, et là Henry il a plus envie, hein, de toute façon, il est complètement désintéressé de cette équipe de France, pour lui ça sent vraiment la fin, d'ailleurs il fera que deux changements, hein, de toute façon, Raymond Domenech, mais il avait un gros problème avec ça, c'est que pour faire des remplacements c'était compliqué pour Domenech, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, compliqué si l'astrologie n'était pas bonne ce jour-là. C'est mais c'est surtout que, tu sais, la Coupe du Monde, elle se déroule en hiver, en fait, en Afrique du Sud. Et je me souviens de la tête des remplaçants sur le banc touche, hein, dont Thierry Henry. Hein, ils étaient avec des maillots de corps et des gros parkas sur le banc touche. Ouais. Mais la tête dans le vide, quoi, complètement dépressif. Ils étaient là depuis un mois enfermés dans des hôtels et je ne sais quoi là, à écouter les bêtises moralisatrices là de Domenech à chaque entraînement. Et il se retrouve sur le banc de touche, Thierry Henry. Ouais. À un moment donné, il se dit c'est pas possible, c'est un cauchemar, qu'est-ce que je fais là, quoi. Ma fin de carrière, ça va être ça, quoi. Ouais, c'est vrai que sa fin de carrière, elle est vraiment, vraiment pas terrible. Alors qu'en club, c'est, je veux dire, il a tout gagné avec le Barça cette année-là, l'année d'avant, je veux dire. Et là, Nicolas Anelka, à la mi-temps, qui sort. Voilà, mais pour le moment, on sait pas trop, on sait pas. Il sort parce qu'on pense qu'il a pas été bon devant le but et s'il est remplacé par André-Pierre Gignac. Et là, on apprendra quelques temps après que Anelka aurait été aurait insulté Raymond Domenech dans le vestiaire. Bon, après, je veux pas dire, je veux pas répéter ce qu'il a dit, mais voilà, il dit que Raymond Domenech, il est pas bon, quoi. Voilà. Enfin, c'est vraiment succinct, hein. C'est vraiment qu'il est nul. Non, mais le titre, on l'a dans l'équipe le lendemain, fait, je crois, c'est ça. Reculé, hein. C'est le fils de pute. Je voulais pas le dire. Mais bon, ça sort ça le 19 juin. Ça sort ça le 19 juin. On va voir ce qui s'est passé le 20 juin. Mais le 19 juin, ça sort ça sur la une de l'équipe. Et là, tu te dis, mais... avec tes tactiques. C'est avec tes tactiques entre les deux insultes. Et tu dois t'attaquer à la fin tout seul, ton équipe de merde, j'arrête. Et là, Anelka qui est suspendu. Ouais. Voilà, qui est viré de l'équipe de France. Voilà, c'est presque du jamais vu, en fait. Bon, il y avait eu Cantona fin 80 qui avait insulté avec des tactiques de merde. Ouais, qui avait insulté c'était Henri Michel en disant qu'Henri Michel ça lui faisait penser un petit peu à celui qui avait dirigé les Oscars qui avait été traité de sac à merde. Henri Michel, il en est pas loin. il avait été écarté quelques temps, mais là Nicolas Anelka qui est presque viré de l'équipe de France. Voilà. De toute façon, l'équipe de France qui perd, faudrait presque un miracle pour que l'équipe de France, faudrait absolument qu'elle gagne l'Afrique du Sud pour pouvoir se qualifier, mais c'est compliqué, quoi. Bah, on retombe dans le système de 2002 où il faut que la France gagne par deux buts d'écart en fait pour se qualifier. En 2002 c'était contre le Danemark. Là c'est l'Afrique du Sud au dernier match. Et l'Afrique du Sud qui joue à domicile et pareil, qui peut se qualifier également s'il gagne avec trois buts d'écart par Donc, contre. Donc l'équipe de France qui joue le 17 juin contre le Mexique. 19 juin on a cette une du journal l'équipe en gros avec cette insulte d'Anelka. Et nous arrivons ce fameux 20 juin 2010 qui restera sûrement dans les annales de l'équipe de France. Alors le matin, t'as Ribéry qui s'invite à Téléfoot. Je sais pas si tu te souviens, et puis qui ridicule, ridicule, tu sais, il est en claquette, les chaussettes blanches, déjà le truc qui va pas du tout ensemble. Alors il est très ému, et puis il fait un espèce de il joue la victime, en fait. Il joue la victime, et il fait une espèce de monologue pendant 5-6 minutes. Bonjour tout le monde, je suis venu parce que c'est vrai que depuis 2-3 jours, on passe vraiment... un moment très difficile pour les joueurs, pour notre pays, pour tout le monde. Et c'est vrai que moi, je suis le premier avec tout le groupe et tout le monde, on est en train de souffrir de ce qui se passe en ce moment et surtout ce qu'on peut entendre de tout de l'extérieur. Vous pensez à cette affaire qui parle d'une altercation entre vous et Johan Rupus, par exemple ? Même, par exemple, c'est-à-dire que Johan, j'ai un problème avec lui, quand il me voit, il rase les murs. Tout ça, c'est faux. Bien sûr que c'est faux, j'ai aucun problème avec Johan. Au contraire, j'ai été le premier à lui parler parce que Johan, il est important pour l'équipe de France. Johan, on a besoin de lui. Et c'est vrai qu'à un moment donné, comme j'ai parlé en plus hier avec lui, à un moment donné, j'ai trouvé qu'il était un peu triste, que ça allait pas. Et j'étais le premier à aller lui parler parce qu'on a besoin d'un joueur comme Johan Gourcuff. Et quand on dit que je me suis battu avec lui dans un avion, des choses comme ça, je vous dis honnêtement, on n'a pas été bon. On n'a pas mouillé le maillot comme on aurait dû le faire. Il y a des moments où on a été difficile, on n'a pas su gagner. À un moment donné, on a voulu, on se sentait bien. Je pense à un match comme le Uruguay où on a essayé de faire des choses, mais individuellement. On n'a pas joué en équipe, on n'a pas essayé de faire quelque chose. Et là, on est en train de rentrer dans un truc que tout le monde est en train de se foutre de nous, c'est-à-dire dans le monde. Et là, on dit trop de choses à l'extérieur. Moi, à un moment donné, j'étais le premier à aller voir les journalistes, à parler avec eux. Ça me faisait plaisir. Maintenant, j'ai plus envie. J'ai plus envie, je vous dis honnêtement. J'ai plus envie. Comment on est en train de parler comme moi. Ah ouais, j'ai les boules. Moi, comment ils ont été décrits à l'extérieur de l'équipe, c'est pas exactement comment c'est passé avec Nicolas Anelka. C'est pas le plus grave. C'est ça le truc. Maintenant, le plus grave, je vous dis, quand je vois hier Nicolas Anelka qui a été exclu, comment il est parti, il a été touché. Il a été touché parce qu'il aime l'équipe de France, ça n'a pas été. Je veux dire, voilà, moi je vous dis honnêtement, j'ai vu Nicolas, j'avais les larmes aux yeux quand je l'ai vu partir. Vous vouliez tous qu'il reste ? Bien sûr qu'on voulait tous qu'il reste. On était tous derrière lui. On n'était pas d'accord qu'il soit exclu. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Dans, partout, dans les clubs, partout, il y a des problèmes comme ça. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Et je vous dis honnêtement, calmez, faut calmer un peu le truc parce qu'on est en train de faire n'importe quoi. Franck, je veux bien qu'il y ait des problèmes dans tous les clubs, mais vous n'allez pas me faire croire que c'est commun qu'un joueur insulte son entraîneur quand même. Enfin, on parle de Raymond Domenech, qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Non, bien on sûr, aime tous l'équipe de France. Je comprends que le coach, c'est le sélectionneur. C'est lui le patron. C'est lui qui gère tout. Maintenant, il y a des moments... Moi aussi, je me suis déjà énervé avec le coach. Mais c'est pas pour ça que... Vous l'avez pas insulté. Mais je vous dis honnêtement, les insultes comment ? Ça a été proposé par... comment ont été dites par rapport à l'équipe de France. Qu'est-ce qui s'est dit exactement, alors ? Je peux pas vous dire. Ça reste à l'intérieur. C'est pour ça, moi, ça n'existe pas. C'est pas chez moi. Lisa, il était joueur. Quand il y a un truc dans le vestiaire, ça doit rester dans le vestiaire. Ce qui a été sorti, c'est pas normal. Celui qui a fait ça, c'est pas normal. En disant que voilà. Tout le monde se fout de lui, voilà, tout le monde se fout de l'équipe de France, que c'est pas normal. Voilà, ouais. Qu'ils essaient de tout faire pour cette équipe de France. Bon, il passe pour un ridicule de toute façon à ce moment-là. Evra qui avait pas longtemps avant aussi avoué qu'il y avait une taupe selon lui dans l'équipe de France parce que à chaque fois que l'équipe de France faisait quelque chose, les journalistes le savaient. Ouais. Donc pour lui il y avait une taupe. Et je suis vraiment touché, mais j'ai vraiment aussi. Je me demande comment ce journal a pu publier ses propos parce que moi, on me l'a annoncé ce matin, mais j'avais pas vu et ils ont vraiment mis des mots, mais c'est. Moi je pense à un enfant qui passe devant un kiosque et qui voit ses insultes, je veux dire, là le journal il doit être heureux quand même parce qu'il a fait le jackpot. Parce que même quelqu'un qui regarde pas, qui s'intéresse pas au football, il passe devant ses insultes, je veux dire, il achète le journal quoi qu'il en soit. Et moi ça me fait. Je suis vraiment très touché parce que après le match du Mexique, je m'attendais pas du tout à ce résultat. On était déjà voilà, dans un gros problème. Et là, on en rajoute. Et moi, j'ai vraiment cette impression, c'est qu'on oublie de parler football. À chaque fois que je suis en équipe de France, on parle toujours de ce qu'un tel a dit. Et je vous dis, le problème, ce n'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, ce n'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire. Comment cette chose a pu sortir dans la presse, puisqu'il n'y avait que nous, les joueurs et le staff. Voilà, la question qu'il faut se poser, c'est ce trait qu'il faut éliminer du groupe. Anelka, c'est pas le problème de l'équipe de France. Alors déjà, tu sens, je suis désolé de dire ça, tu sens que ça sent la merde, quoi. Il y a quelque chose qui ne passe pas bien. Et ouais. Là, le soir, donc juste avant ce match de l'Afrique du Sud, le soir, on est sur le Canal Football Club, parce qu'il y a le Canal Football Club qui est le seul, je crois, avec TF1, à avoir les droits de diffuser l'équipe de France en dehors. Et à diffuser les matchs et l'équipe et ce qui différenciait Canal à l'époque, c'est que Canal masquait les sons de la Vuvuzela. Tu te rappelles? Ouais, les Vuvuzela, je les entendais partout moi de toute manière. Les Vuvuzela qui gâchait entre guillemets, qui gâchait un petit peu les matchs parce que voilà, c'était un bruit assourdissant, trucs comme ça. Mmh. Et Canal qui se revendiquait, qui disait prenez Canal, vous aurez pas le son de la Vuvuzela pendant les matchs. Bon, t'y écoutais quand même un petit peu. Hein. Mais bref, ouais. Il y a le CFC qui commence et là, on apprend que les Bleus font grève. Alors là, ils refusent de participer à l'entraînement, ils restent dans le bus. Et là, c'est le ciel qui tombe. C'est le ciel qui tombe sur la terre, quoi. C'est du jamais vu, ça. C'est vrai. C'est du jamais vu, mais en plus. À la limite, t'es même pas étonné de ce qui se passe parce que tu sais que ça va arriver, mais tu te dis à quel moment, en fait, à quel degré ça va s'arrêter jusqu'à quel degré ça va aller. Parce que t'as l'impression qu'il n'y a aucune limite dans la bêtise. On a eu Ribéry en claquette le matin, voilà. Qui nous a fait un monologue mélodramatique sur cette situation. Alors que on apprendra plus tard que c'est lui un peu qui a poussé un peu Gourcuff dans ses retranchements, qui a créé des clans hein, ouais. avec d'autres joueurs. Enfin, je veux dire, c'est pire que ridicule. À la limite, t'as honte en fait. Là, tu commences à avoir honte de ton équipe de France. Ah, mais tu veux même plus les défendre. Moi, c'est ce que j'ai ressenti ce soir-là. J'avais honte. Ouais. J'avais un dégoût de cette équipe de France. Qui est arrivé presque d'un seul coup. Et là, donc, tu vois dans le CFC, tu vois un moment, Robert Duverne, donc, qui était à l'époque préparateur physique de cette équipe de France, bah, parler avec Evra, et puis à côté, il y a Domenech. Et là, tu vois qu'il commence presque à s'engueuler. Il gueule sur Patrice Evra, qui lui reste les mains dans les poches. Ouais. Presque j'en ai rien à foutre, quoi. Ouais. Et là, à un moment, tu vois Robert Duverne qui part, et à un moment, il jette son chronomètre, il doit jeter son sifflet aussi, et il quitte le champ de la caméra, et tu le reverras plus en équipe de France. Robert Duverne, il va jeter l'éponge. Mmh. Là, tu dis, oh là là là là, ça sent... Mais là on a plus que touché le fond. Et puis d'un seul coup, t'as Raymond Domenech, qui demande l'attention aux journalistes, qui sort un papier de... Écrit soi-disant par les joueurs de l'équipe de France. Donc c'est un communiqué des joueurs. C'est un communiqué des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération française de football n'a aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Par respect pour le public qui devait assister à cette séance, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces supporters qui, par leur présence, nous apportent un soutien sans faille. Pour notre part, nous sommes conscients de nos responsabilités, celles de porter les couleurs de notre pays, mais également celles que nous avons à l'égard de nos supporters et de leurs cadres et éducateurs, bénévoles et des innombrables enfants qui gardent les bleus comme modèle. Pour ce qui nous concerne, nous n'oublions rien de nos devoirs et nous ferons tout individuellement, bien sûr, mais aussi dans un esprit collectif pour que la France, mardi soir, retrouve son honneur par une performance enfin positive. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir. Ouais. Alors que tu vois que c'est un joueur qui a été préparé par sûrement un des avocats, comme on a dit, d'un des joueurs. Je sais pas si c'est une personne de l'entourage de Ribéry, je crois, ou il l'avait dit plus tard, ça. C'était si tu veux, c'était les joueurs qui avaient manifesté des idées et ça avait été écrit correctement au point de vue verbal sur la lettre, quoi. C'est un peu le truc officieux. Enfin, il tente ça de faire passer pour un truc officiel, mais un truc qui cache complètement la vérité, quoi. Ouais, c'est certain. Mais une des pires choses, c'est que Domenech, quand il lit la lettre, déjà, c'est comme si on lui donnait pas le choix. Voilà. Et une fois qu'il est devant les caméras de télé, parce que lui, il adore être devant les caméras de télé. Il fait la théâtrale, quoi, en fait. Voilà, il fait genre, voilà, c'est de votre faute. C'est limite, c'est de votre faute, les médias, si on en arrive là. Il comprend pas que tout ce qui est arrivé, c'est à cause de lui. Voilà. Depuis le début. Et il passe pour une victime, en plus. Voilà, encore une fois, comme si c'était pas de sa faute, voilà. Il lit la lettre et puis il fait genre... oh bah voilà, je suis surpris de ce qu'ils ont écrit, mais après tout, ils ont raison. Mais à un moment donné, est-ce que toi tu te poses la question si c'est pas de ta faute ce qui arrive? Ouais. Non mais c'est incroyable. Là, moi je me souviens, mais je suivais cet épisode-là. J'étais la bouche bée, je me suis dit, mais Donc c'est les bidas, en fait, les bidas. Ouais, mais voilà, tu te dis, mais dans quelle situation... Les bronzés font du foot. Voilà, c'est ça. Tu te dis, mais dans quelle situation on est, là ? C'est grave, ce qui se passe, quoi. Pour te faire, pour faire grève comme ça, c'est fou, quoi. Mais tu sais, ils ont sélectionné une bande de crétins, voilà. Et ils ont essayé de les faire jouer au foot. Et attends, le lendemain donc de cette grève, ou même le soir même, je ne me rappelle plus... T'as Escalette qui est invité au CFC, parce que t'avais le CFC qui était tous les soirs de la Coupe du Monde. Il s'en prend plein la gueule par Ménès, par tous ceux qui étaient à l'époque qui étaient consultants pour l'émission. Ouais. Il s'en prend plein la gueule. Le lendemain, il y avait Dugarry peut-être aussi. Ouais, il y avait Dugarry aussi, ouais. Le lendemain, t'as Le Graët qui était à l'époque, alors il était pas encore président de la FFF, il était... secrétaire de la FFF ou un truc comme ça, il arrive, tu le vois, il est en sueur, il en prend plein la gueule, c'est pareil, tu te dis, mais ces mecs-là, mais qu'est-ce qu'ils font dans le foot ? Ils sont en train de défendre Domenech, mais un mec qui nous a fait détester l'équipe de France, mais c'est un truc de fou quand même, quoi. Ouais, mais ils protègent leurs intérêts, tout ça. Parce qu'ils savent très bien que si Domenech saute, eux, ils sautent aussi. Ils sautent aussi, et c'est ce qui se passera de toute façon. Ouais, voilà. Enfin... T'as Le Graët qui était quand même qui était pas pour rien dans l'histoire et qui quand même deviendra quand même président de la FFF. Ouais, ça c'est une aberration aussi. C'est quand mais même bon. Dingue. Hein. C'est quand même dingue. Et donc ça se passe juste avant ce match d'Afrique du Sud. Alors on apprendra plus tard qu'il voulait faire grève pendant le match. Il voulait, je pense, faire un non-match. Contre cette équipe de Sud. Bon, tu vas me dire, ils l'ont fait quand même le non-match. Ils voulaient ne pas jouer ce match-là, mais je pense que là, ça aurait eu des conséquences beaucoup plus graves. Je pense que s'ils avaient refusé de jouer contre l'Afrique du Sud, la Coupe du Monde 2014, et je pense que l'Euro 2016 aurait été sous le nez de l'équipe de France. Hein. Mmh. Ouais, certain, il y aurait eu beaucoup plus de répercussions que ce qu'il y a eu ici. Mais bon, l'équipe de France, qui doit jouer son avenir contre l'Afrique du Sud, mais là, quand tu vois ça, tu te dis, c'est même pas la peine, ils vont pas jouer ce match-là, de toute façon. Bah, ouais, tu te demandes vraiment ce qui va se passer. Tu te dis, c'est pas possible qu'ils aillent jusqu'au bout, c'est impossible. Et là, bon, on va pas tourner autour du pot, hein. L'équipe de France qui va perdre 2-1 avec... Et là, une composition d'équipe, mais dégueulasse, mais... Non, mais enfin, je sais pas. Toujours pareil, hein, ça a aucune cohérence. Ça a aucune cohérence, quoi. Tu fais un 4-5-1 contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est qui c'est qui dans le monde du football ? Bah, c'est ça. C'est 4-5-1, je veux dire. 4-5-1 avec 6 en attaque, voilà. Mais le 4-5-1, mais moi, je déteste cette formation-là, parce que c'est pas une formation pour marquer des buts. Ça, c'est une formation quand tu mènes 2 ou 3-0... tu fais un 4-5-1 pour être tranquille, pour être un peu plus fort défensivement. Mais là, qu'est-ce que tu veux marquer contre cette équipe d'Afrique du Sud, sans déconner, mais c'est du grand n'importe quoi. Et encore une fois, il te met André Pierre Gignac, ailier droit, c'est un avant-centre. Voilà. C'est incroyable de faire des choses comme ça. Et bon, après, toujours pareil, hein, Bakary Sagna, Gaël Clichy, deux défenseurs archi nuls depuis le début de leur carrière en équipe de France, qui sont toujours là, je sais même pas. Eux, ils doivent avoir des super agents, c'est pas possible, parce que c'est eux qui méritent de jouer, les agents, là, parce que... Non, mais sincèrement, Bakary Sagna, partout où il est passé, il nous a fait des toiles, il sait pas défendre. Clichy, c'est pareil. Arsenal, c'est une des raisons pour lesquelles Arsenal a été aussi mauvais en Coupe d'Europe depuis des années. C'est pas possible d'avoir des joueurs comme ça. Et non, dans ce match-là, en plus, il laisse marquer l'Afrique du Sud deux fois. En fait, je me suis trompé par rapport à tout à l'heure, j'ai dit qu'ils doivent gagner par 3 buts, mais c'est parce que en fait, l'équipe de France était revenue à 2-1, il fallait qu'ils mettent le troisième but, l'Afrique du Sud, pour se qualifier, justement, pour le tour d'après. Et ils laissent marquer l'Afrique du Sud dans ce match-là, hein, à la 20e et à la 37e, et comme tu dis, c'est un non-match, on va dire c'est plus ou moins un match arrangé, hein. Enfin bon, arrangé dans la tête des joueurs français, mais pas forcément de tout le staff français, si tu veux, quoi. C'est pas officiel qu'ils ont pas signé pour que l'Afrique du Sud gagne, si tu veux, mais ils ont pas envie de jouer, quoi. Ouais. Mais Thierry Henry, en plus, tu sais, il le fait rentrer à la 55e dans le match. Oui. Juste pour le foot dans l'arène. Il le jette. Ouais, voilà. Ah, tu veux jouer le malin, bah tiens, je te fais rentrer. Ouais, je te fais jouer quand l'équipe de France est en train de perdre, ouais, voilà. C'est un peu de ta faute, voilà. Et, mais c'est un truc de fou. Donc là, bon, bah, l'équipe de France qui est dernière du championnat, de ce groupe, donc qui est bien sûr éliminée. Mmh. Alors elle aura fait légèrement mieux qu'en 2002 en marquant quand même un but. Mais bon, c'est vraiment anecdotique par rapport à 2002. Et là, c'est les répercussions qu'il y aura après cette Coupe du Monde, le mal-être de l'équipe de France qui va être mal aimée par tout le monde presque, hein. Franchement, il va falloir reconstruire cette équipe de France. Je me souviens que Thierry Henry avait été invité par l'Elysée pour devoir s'expliquer de ce qui s'était passé, mais que bon, il a rien avoué du tout, hein. Bah, qu'est-ce qu'il aurait pu dire de plus, de toute manière, voilà. Je veux dire, Sarkozy, il est gentil, mais à part dire, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, Domenech a fait ci, a fait ça, c'est fait, hein, fallait le faire avant, hein. Tout le monde le savait, tout le monde a fermé les yeux, donc après, t'as eu les mots des politiques qui en ont profité, comme d'habitude, pour dire, il y avait Roselyne Bachelot, là, qui avait dit... comment dire, c'est racaille, ouais, tu ouais, sais, elle avait traité les joueurs de caïd, voilà. Des caïds, ouais, voilà, ouais. Caïd immature, ouais, c'est un peu facile d'arriver derrière et de récupérer la faillite de tout un pays à travers une compétition internationale, parce que faut dire que la Coupe du Monde c'est aussi important que les Jeux Olympiques, c'est toute l'image d'un pays qu'on prend un coup, hein. T'as les contrats sportifs qui vont peut-être demander une baisse par rapport aux pertes financières qu'ils ont eues, le comportement. T'avais d'ailleurs le conseiller en communication de l'équipe de France, Anna Eisner, qui avait démissionné le jour même de la grève. Il était suivi par tous les journaux, journalistes dans la montée à l'hôtel, tu te rappelles de ça, là? Oui, oui, oui. Non mais bon, c'était... On est arrivé au bout du ridicule et au bout de... l'incompétence d'un système dans une grande organisation sportive en France, si tu veux. Hein. On pouvait pas faire pire, hein, moi, sincèrement. Non. Mais c'est la première fois qu'on voyait ça. On l'a cherché, hein. Bah oui, 93-2002, c'est anecdotique par rapport à ce qui s'est passé, parce que là, on s'est enfoncé, mais vraiment plus bas que terre, quoi. C'est impressionnant, quoi. Enfin, c'est un truc qu'on n'a pas... Moi, franchement, j'ai pas envie de revivre ça. Mais ça a été difficile pour moi de commencer à re-aimer cette équipe de France. J'ai mis du temps. Parce que déjà, il y a beaucoup de joueurs qui ne méritaient pas de continuer en équipe de France, qu'on continuait à être sélectionnés. Il n'y a pas eu... Enfin, tu parles, la sanction qu'il y a eu, c'est que Laurent Blanc, le premier match qu'il a, quand il a repris l'équipe de France, il a fait jouer aucun joueur qui avait joué la Coupe du Monde. Contre la Norvège, là, il avait fait jouer aucun joueur. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est pas une sanction, ça. C'est nul. Mm. Bon, il y a Domenech qui avait été viré en septembre pour faute grave. Voilà, parce qu'il n'avait pas réussi à gérer correctement son équipe. Ouais. Mais bon, pour faute grave, à mon avis, il a dû partir avec quand même un peu un pactole, quand même. Le truc, c'est ça, c'est que Domenech, jusqu'en 2010, il a voulu rester en équipe de France, justement, pour toucher l'argent lié au bonus pour la qualification en Coupe du Monde. Hein. Ouais. C'est beaucoup ça qu'on lui a reproché aussi. Hein. C'est que l'argent qu'il a reçu... mais je crois que, justement, sous la pression, je crois que un an et demi plus tard, ou quelque chose comme ça, il a redonné l'argent à la fédération. Il y a eu une histoire comme ça, où une partie de l'argent qu'il avait touché pour la qualification, mais longtemps après, hein, il l'a pas donné tout de suite. Hein. Domenech, tu l'as vu déjà aux Jeux Olympiques en 96, là, je crois. Là. C'était catastrophique, son équipe, c'était catastrophique. Comment il est arrivé à la tête de l'équipe de France? Il y avait vraiment personne d'autre. Et même aujourd'hui, tu le revois encore à la télé parler de foot. À l'époque, il y avait encore sur Canal 7, t'avais ma chaîne sport, et il diffusait le national. Ouais. Mais fallait voir, il était invité, mais c'était inintéressant ce qu'il disait, franchement. T'avais même, moi, j'avais qu'une envie, dès que je le voyais, changer de chaîne. Je peux pas ce personnage. Il me horripile. Je sais pas comment parler, mais il me horripile, ce mec-là. Je ne peux pas. C'est quelqu'un qui a énormément fait de mal à l'équipe de France. Qui a donné une très mauvaise image de la France en elle-même dans tout le monde entier. Parce que voilà, hein, faut pas aller bien loin. Hein, l'équipe de France qui a fait une main, ben tous les Français sont des tricheurs. Voilà, tu vois, ça, certains ils réfléchissent pas plus que ça. Mais ce mec-là a tellement été néfaste pour l'équipe de France que comment tu peux essayer de le pardonner de ce qu'il a fait. Il a tué personne, d'accord. Mais il a tellement fait de mal, il a tellement... Enfin, c'est un truc qu'on n'aurait jamais pensé... il y a 10, enfin, en 2000, t'aurais jamais pensé que dans 10 ans, tu verrais ça, quoi. C'est certain. Mais de toute manière, les personnes qui étaient avant lui à la tête de l'équipe de France n'étaient peut-être pas capables d'en arriver à ce point-là. Ouais. Je pense qu'ils avaient beaucoup plus d'estime et ils étaient beaucoup plus intègres. Et justement démissionner avant que ça dégénère, ouais. un Aimé Jacquet jamais de la vie il aurait continué avec un groupe, il aurait comme ça il aurait préféré dire je peux pas gérer le groupe, je préfère m'arrêter là, voilà. Comme il avait fait avec Bordeaux à une époque quand il était en club avec Claude Béz, il a préféré se séparer des Girondins, voilà. Même s'il avait été un peu mis sur on va dire licencié quand même, mais il avait préféré dire les choses en disant qu'il pouvait plus gérer le groupe. Garder son estime, voilà. Je veux dire, Domenech, il a préféré l'argent au respect des Français. À un moment donné, je sais pas comment ça se passe dans sa tête, parce que tu vas gagner de l'argent sur une courte période, c'est-à-dire de 2008 à 2010, tu vas gagner ton argent, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tous les Français t'auront détesté, qu'est-ce que tu vas... Tu pourras jamais retrouver un métier dans le football français, et c'est exactement ce qui s'est passé. Va te vouloir de toute façon. Il est toujours pressenti, voilà. Pour un ou deux postes, mais il sait très bien que s'il retourne dans un club, il va se faire signer. Non, mais personne le veut. Personne le veut. Il a pu trouver de travail dans le football, même sur un banc de touche. Tu parles des trucs de consultants et encore, ouais. Sur des chaînes que de... pas grand monde a en fait, donc il était sur ma chaîne sport, voilà, c'est ça, ma chaîne championnat portugais, des choses comme ça. Non, mais... il était pas dans l'équipe 21 à un moment aussi, mais que ça a pas duré longtemps. Ça a pas duré longtemps, mais l'équipe 21 il était pas trop mauvais, hein, par rapport à ce qu'il disait, mais bon, il prenait pas trop de risques, hein. Je pense qu'on lui avait demandé un peu d'être un peu plus casual, voilà. Ouais, c'est sûr, mais bon, voilà, c'est... Là, franchement, cette équipe de France-là, il faut arriver des fois à des moments comme ça pour essayer de se reconstruire. Mais il faut voir que c'est quand même difficile. Hein. C'est vraiment difficile, la reconstruction d'une équipe. Hein, parce que, voilà, on verra après l'Euro 2012, on terminera en quart de finale. Mais il y a encore un noyau de joueurs qui était présent en 2010, qui est indésirable, mais qui sont quand même... qui font toujours partie du groupe. Faudra peut-être attendre, je sais pas, la 2016, il y a commencé à avoir un espèce de l'équipe de France a un petit peu redoré son blason, et encore pas correctement, mais tu sens pas qu'il y a encore une équipe de France qui est 100% aimée par tout le peuple français, parce qu'il y a encore des joueurs qui ont rien à faire dans cette équipe, quoi. Ouais. Il y a une autre anecdote dont on n'a pas parlé, c'est que en Afrique du Sud, à la fin du dernier match, France-Afrique du Sud, justement, t'as Passarella, champion du monde brésilien en 94, l'entraîneur, qui veut venir serrer la main à Domenech, et non, Domenech, brésilien, Pereira. Ah, Pereira, pardon. Ouais, ouais. Oui, j'ai compris. C'est pas grave, non. Il refuse de lui serrer la main. Parce que pendant le match, Domenech reproche à Carlos Pereira d'avoir trop parlé à l'arbitre et d'avoir dit qu'il y avait hors-jeu sur une action de but française ou je ne sais quoi. Enfin, un truc ridicule, ouais, quoi. Ouais. Pereira, c'est un personnage respectable, ah, qui a été champion du monde avec le Brésil en 94. Je veux dire, toi tu parles d'un hors-jeu, mais de quoi tu parles? De serre la main, le match est fini, t'as été lamentable depuis le début, t'as été lamentable, et pour finir t'es encore plus lamentable en refusant le fair play. Non, mais c'est pitoyable, quoi. Jusqu'à la fin, c'est navrant, quoi. Encore en 2008, voilà, il a fait une bêtise en demandant la main de sa concubine, ouais. Estelle Denis. Alors que ça n'avait pas lieu d'être sur une antenne publique, je veux dire, fait ça en privé. D'ailleurs, elle l'a mal pris, hein, pour l'histoire. Tu vois, enfin, en direct en plus. On voulait pas forcément faire une émission sur Domenech, mais c'est un personnage tellement central dans toutes ces histoires que voilà. Non, mais de A à Z, il peut pas s'empêcher en fait d'être dans la lumière, mais toujours dans l'excès et le mauvais côté. Je pense qu'il y a des termes qui qualifient ces actes de façon négative, péjorative, mais j'arriverai pas à en trouver un ce soir là pour le décrire. Mais le fait déjà, tu vois, qu'il ait pas trouvé un métier sur un banc de touche depuis cette époque là, ça veut dire beaucoup quand même, tu vois. Mais bon, je pense que déjà il aurait pas été repris après l'Euro 2008. Je pense qu'il y aurait eu. Ils auraient pu faire quelque chose de mieux, parce que là, de l'avoir repris après l'Euro, c'était une grosse erreur. Et d'ailleurs, personne voulait que ce soit lui qui retourne dans l'équipe de France, hein, parce qu'il savait que, enfin, beaucoup savaient qu'on allait droit dans le mur avec lui. Exactement. Malheureusement. Mais bon, voilà, malheureusement, faut tomber des fois bien bas pour essayer de se reconstruire, mais la reconstruction est longue quand même. Hein. Elle a été plus longue que prévu, hein, voilà. Parce que si on se souvient de 2012 avec Laurent Blanc qui est arrivé après, c'était bien parti, et puis malheureusement, lors de l'Euro 2012, ça a recommencé. Ouais, hein. Les matchs étaient pas beaux avec l'équipe, avec Laurent Blanc, c'était ennuyeux, c'était aussi soporifique qu'un match avec qu'avec Domenech, quoi. Tu t'ennuyais pour un match. Bah, tu t'ennuyais, mais il avait réussi, on va dire, je trouve, à refaire un groupe où il n'y avait pas d'histoire, jusqu'à ce que justement les fameux Nasri, les fameux Ribéry, Benzema reviennent, soient plus suspendus. Enfin, pas Benzema, hein, parce qu'il n'était pas en Afrique du Sud, Benzema. Donc en fait, je veux dire, Laurent Blanc, il a réussi à tenir un groupe jusqu'à ce que les cancres reviennent. Donc, voilà quoi, malheureusement. Voilà, bah écoute, hein, c'est un peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce malheureux épisode, sur ce fiasco de l'équipe de France de 2010. Bah écoute, je te remercie, hein, d'avoir participé. De rien. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Allez, voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés, puis à très bientôt. Salut. À bientôt, salut.